Chapitre 58 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 58. Évasion. Comme l'avait pensé Lord de Winter, la blessure de Milady n'était pas dangereuse. Aussi, dès qu'elle se trouva seule, avec la femme que le baron avait fait appeler et qui se hâtait de la déshabiller, rouvrit-elle les yeux. Cependant, il fallait jouer la faiblesse et la douleur. Ce n'était pas chose difficile pour une comédienne comme Milady. Aussi, la pauvre femme fut-elle si complètement dupe de sa prisonnière que, malgré ses instances, elle s'obstina à la veiller toute la nuit. Mais la présence de cette femme n'empêchait pas Milady de songer. Il n'y avait plus de doute. Felton était convaincu. Felton était à elle. Un ange apparut-il au jeune homme pour accuser Milady? Il le prendrait certainement, dans la disposition d'esprit où il se trouvait, pour un envoyé du démon. Milady souriait à cette pensée, car Felton, c'était désormais sa seule espérance, son seul moyen de salut. Mais Lord de Winter pouvait l'avoir soupçonné. Mais Felton, maintenant, pouvait être surveillé lui-même. Vers les 4 heures du matin, le médecin arriva. Mais depuis le temps où Milady s'était frappée, la blessure s'était déjà refermée. Le médecin ne put donc en mesurer ni la direction ni la profondeur. Il reconnut seulement au pouls de la malade que le cas n'était point grave. Le matin, Milady, sous prétexte qu'elle n'avait pas dormi de la nuit et qu'elle avait besoin de repos, renvoya la femme qui veillait près d'elle. Elle avait une espérance, c'est que Felton arriverait à l'heure du déjeuner. Mais Felton ne vint pas. Ses craintes s'étaient-elles réalisées? Felton, soupçonné par le baron, allait-il lui manquer au moment décisif? Elle n'avait plus qu'un jour. Lord de Winter lui avait annoncé son embarquement pour le 23, et l'on était arrivé au matin du 22. Néanmoins, elle attendit encore assez patiemment jusqu'à l'heure du dîner. Quoiqu'elle n'eût pas mangé le matin, le dîner fut apporté à l'heure habituelle. Milady s'aperçut alors avec effroi que l'uniforme des soldats qui la gardaient était changé. Alors, elle se hasarda à demander ce qu'était devenu Felton. On lui répondit que Felton était monté à cheval il y avait une heure et était parti. Elle s'informa si le baron était toujours au château. Le soldat répondit que oui, et qu'il avait ordre de le prévenir si la prisonnière désirait lui parler. Milady répondit qu'elle était trop faible pour le moment, et que son seul désir était de demeurer seule. Le soldat sortit, laissant le dîner servi. Felton était écarté, les soldats de marine étaient changés, on se défiait donc de Felton. C'était le dernier coup porté à la prisonnière. Restée seule, elle se leva. Ce lit, où elle se tenait par prudence et pour qu'on la crût gravement blessée, la brûlait comme un brasier ardent. Elle jeta un coup d'œil sur la porte. Le baron avait fait clouer une planche sur le guichet, craignant sans doute que, par cette ouverture, elle ne parvint encore, par quelque moyen diabolique, à séduire les gardes. Milady sourit de joie. Elle pouvait donc se livrer à ses transports sans être observée. Elle parcourait la chambre avec l'exaltation d'une folle furieuse ou d'une tigresse enfermée dans une cage de fer. Certes, si le couteau lui fit rester, elle eût songé non pas à se tuer elle-même, mais cette fois à tuer le baron. À 6 heures, Lord Winter entra. Il était armé jusqu'aux dents. Cet homme, dans lequel jusque-là Milady n'avait vu qu'un gentleman assez niais, était devenu un admirable geôlier. Il semblait tout prévoir, tout deviner, tout prévenir. Un seul regard jeté sur Milady lui apprit ce qui se passait dans son âme. « Soit, dit-il, mais vous ne me tuerez point encore aujourd'hui. Vous n'avez plus d'armes. Et d'ailleurs, je suis sur mes gardes. Vous aviez commencé à pervertir mon pauvre Felton. Il subissait déjà votre infernale influence, mais je veux le sauver. Il ne vous verra plus, tout est fini. Rassemblez vos hardes, demain vous partirez. J'avais fixé l'embarquement au 24, mais j'ai pensé que plus la chose serait rapprochée, plus elle était sûre. Demain midi, j'aurai l'ordre de votre exil, signé Buckingham. Si vous dites un seul mot à qui que ce soit avant d'être sur le navire, mon sergent vous fera sauter la cervelle, et il en a l'ordre. Si sur le navire, vous dites un mot à qui que ce soit avant que le capitaine vous le permette, le capitaine vous fait jeter à la mer, c'est convenu. Au revoir, voilà ce que pour aujourd'hui j'avais à vous dire. Demain, je vous reverrai pour vous faire mes adieux. » Et sur ces paroles, le baron sortit. Milady avait écouté toute cette menaçante tirade, le sourire du dédain sur les lèvres, mais la rage dans le cœur. On servit le souper. Milady sentit qu'elle avait besoin de force. Elle ne savait pas ce qui pouvait se passer pendant cette nuit qui s'approchait menaçante, car de gros nuages roulaient au ciel et des éclairs lointains annonçaient un orage. L'orage éclata vers les 10 heures du soir. Milady sentait une consolation à voir la nature partager le désordre de son cœur. La foudre grondait dans l'air comme la colère dans sa pensée. Il lui semblait que la rafale, en passant, échevelait son front comme les arbres dont elle courbait les branches et enlevait les feuilles. Elle hurlait comme l'ouragan, et sa voix se perdait dans la grande voix de la nature, qui, elle aussi, semblait gémir et se désespérer. Tout à coup, elle entendit frapper à une vitre, et à la lueur d'un éclair, elle vit le visage d'un homme apparaître derrière les barreaux. Elle courut à la fenêtre et l'ouvrit. « Felton ! » s'écria-t-elle. « Je suis sauvée. »« Oui, » dit Felton. « Mais silence, silence. Il me faut le temps de scier vos barreaux. Prenez garde seulement qu'il ne vous voie par le guichet. » « Oh, c'est une preuve que le Seigneur est pour nous, Felton, » reprit Milady. « Ils ont fermé le guichet avec une planche. »« C'est bien. Dieu les a rendus insensés, » dit Felton. « Mais que faut-il que je fasse ?» demanda Milady. « Rien, rien. Refermez la fenêtre seulement. Couchez-vous, ou du moins, mettez-vous dans votre lit tout habillé. Quand j'aurai fini, je frapperai au carreau. Mais pourrez-vous me suivre ?»« Oh oui !»« Votre blessure me fait souffrir, mais ne m'empêche pas de marcher. Tenez-vous donc prête au premier signal. » Milady referma la fenêtre, éteignit la lampe, et alla, comme le lui avait recommandé Felton, se blottir dans son lit. Au milieu des plaintes de l'orage, elle entendait le grincement de la lime contre les barreaux, et à la lueur de chaque éclair, elle apercevait l'ombre de Felton derrière les vitres. Elle passa une heure sans respirer, haletante, la sueur sur le front et le cœur serré par une épouvantable angoisse à chaque mouvement qu'elle entendait dans le corridor. Il y a des heures qui durent une année. Au bout d'une heure, Felton frappa de nouveau. Milady bondit hors de son lit et alla ouvrir. Deux barreaux de moins formaient une ouverture à passer un homme. « Êtes-vous prête ?» demanda Felton. « Oui. Faut-il que j'emporte quelque chose ?»« De l'or, si vous en avez. »« Oui. Heureusement, on m'a laissé ce que j'en avais. »« Tant mieux, car j'ai usé tout le mien pour fréter une barque. »« Prenez, » dit Milady, en mettant aux mains de Felton un sac plein d'or. Felton prit le sac et le jeta au pied du mur. « Maintenant, dit-il, voulez-vous venir ? Me voici. » Milady monta sur un fauteuil et passa tout le haut de son corps par la fenêtre. Elle vit le jeune officier suspendu au-dessus de l'abîme par une échelle de corde. Pour la première fois, un mouvement de terreur lui rappela qu'elle était femme. Le vide l'épouvantait. « Je m'en étais douté, » dit Felton. « Ce n'est rien, ce n'est rien, » dit Milady. « Je descendrai les yeux fermés. » Avez-vous confiance en moi ? Dit Felton. Vous le demandez ? Rapprochez vos deux mains. Croisez-les. C'est bien. Felton lui lia les deux poignets avec son mouchoir, puis par-dessus le mouchoir avec une corde. Que faites-vous ? Demanda Milady avec surprise. Passez vos bras autour de mon cou et ne craignez rien. Mais je vous ferai perdre l'équilibre et nous nous briserons tous les deux. Soyez tranquille, je suis marin. Il n'y avait pas une seconde à perdre. Milady passa ses deux bras autour du cou de Felton et se laissa glisser hors de la fenêtre. Felton se mit à descendre les échelons lentement et un à un. Malgré la pesanteur des deux corps, le souffle de l'ouragan les balançait dans l'air. Tout à coup, Felton s'arrêta. « Qu'y a-t-il ? » demanda Milady. « Silence, » dit Felton. « J'entends des pas. Nous sommes découverts. » Il se fit un silence de quelques instants. « Non, » dit Felton, « ce n'est rien. »« Mais enfin, quel est ce bruit ?»« Celui de la patrouille qui va passer sur le chemin de ronde. » « Où est le chemin de ronde ?»« Juste au-dessous de nous. » « Elle va nous découvrir ?»« Non, s'il ne fait pas d'éclair. »« Elle heurtera le bas de l'échelle. »« Heureusement, elle est trop courte de 6 pieds. »« Les voilà, mon Dieu !»« Silence !» Tous deux restèrent suspendus, immobiles et sans souffle, à 20 pieds du sol. Pendant ce temps, les soldats passaient au-dessous, riant et causant. Il y eut pour les fugitifs un moment terrible. La patrouille passa. On entendit le bruit des pas qui s'éloignaient et le murmure des voix qui allaient s'affaiblissant. « Maintenant, dit Felton, nous sommes sauvés. » Milady poussa un soupir et s'évanouit. Felton continua de descendre. Parvenu au bas de l'échelle, et lorsqu'il ne sentit plus d'appui pour ses pieds, il se cramponna avec ses mains. Enfin, arrivé au dernier échelon, il se laissa pendre à la force des poignets et toucha la terre. Il se baissa, ramassa le sac d'or et le prit entre ses dents. Puis il souleva Milady dans ses bras et s'éloigna vivement du côté opposé à celui qu'avait pris la patrouille. Bientôt, il quitta le chemin de ronde, descendit à travers les rochers et, arrivé au bord de la mer, fit entendre un coup de sifflet. Un signal pareil lui répondit, et 5 minutes après, il vit apparaître une barque montée par 4 hommes. La barque s'approcha aussi près qu'elle put du rivage, mais il n'y avait pas assez de fond pour qu'elle pût toucher le bord. Felton se mit à l'eau jusqu'à la ceinture, ne voulant confier à personne son précieux fardeau. Heureusement, la tempête commençait à se calmer, et cependant, la mer était encore violente. La petite barque bondissait sur les vagues comme une coquille de noix. « Au sloop, » dit Felton, « et nagez vivement. » Les 4 hommes se mirent à la rame, mais la mer était trop grosse pour que les avirons eussent grande prise dessous. Toutefois, on s'éloignait du château, c'était le principal. La nuit était profondément ténébreuse, et il était déjà presque impossible de distinguer le rivage de la barque. À plus forte raison, n'eût-on pas pu distinguer la barque du rivage. Un point noir se balançait sur la mer. C'était le sloop. Pendant que la barque s'avançait de son côté de toute la force de ses 4 rameurs, Felton déliait la corde, puis le mouchoir qui liait les mains de Milady. Puis, lorsque ses mains furent déliées, il prit de l'eau de la mer et la lui jeta au visage. Milady poussa un soupir et ouvrit les yeux. « Où suis-je ? » dit-elle. « Sauvée, » répondit le jeune officier. « Oh, sauvée, sauvée !» s'écria-t-elle. « Oui, voici le ciel, voici la mer. Cet air que je respire, c'est celui de la liberté. Ah, merci, Felton, merci !» Le jeune homme la pressa contre son cœur. « Mais qu'ai-je donc aux mains ? » demanda Milady. « Il me semble qu'on m'a brisé les poignets dans un étau. » En effet, Milady souleva ses bras. Elle avait les poignets meurtris. « Hélas !» dit Felton, en regardant ses belles mains et en secouant doucement la tête. « Oh, ce n'est rien, ce n'est rien !» s'écria Milady. « Maintenant, je me rappelle. » Milady chercha des yeux autour d'elle. « Il est là !» dit Felton, en poussant du pied le sac d'or. On s'approchait du sloop. Le marin de quart héla la barque. La barque répondit. « Quel est ce bâtiment ?» demanda Milady. « Celui que j'ai frété pour vous. »« Où va-t-il me conduire ?»« Où vous voudrez, pourvu que moi, vous me jetiez à Portsmouth. »« Qu'allez-vous faire à Portsmouth ?» demanda Milady. « Accomplir les ordres de Lord de Winter, » dit Felton, avec un sombre sourire. « Quels ordres ?» demanda Milady. « Vous ne comprenez donc pas ?» dit Felton. « Non. Expliquez-vous, je vous en prie. » « Comme il se défiait de moi, il a voulu vous garder lui-même, et m'a envoyé à sa place faire signer à Buckingham l'ordre de votre déportation. » « Mais s'il se défiait de vous, comment vous a-t-il confié cet ordre ?»« Étais-je censé savoir ce que je portais ?»« C'est juste. Et vous allez à Portsmouth ?»« Je n'ai pas de temps à perdre. C'est demain le 23, et Buckingham part demain avec la flotte. » « Il part demain? Pour où part-il ?»« Pour La Rochelle. »« Il ne faut pas qu'il parte, » s'écria Milady, oubliant sa présence d'esprit accoutumée. « Soyez tranquille, » répondit Felton. « Il ne partira pas. » Milady tressaillit de joie. Elle venait de lire au plus profond du cœur du jeune homme. La mort de Buckingham y était écrite en toutes lettres. « Felton, dit-elle, vous êtes grand comme Judas Maccabée. Si vous mourrez, je meurs avec vous. Voilà tout ce que je puis vous dire. »« Silence, » dit Felton, « nous sommes arrivés. » En effet, on touchait au sloop. Felton monta le premier à l'échelle et donna la main à Milady, tandis que les matelots la soutenaient, car la mer était encore fort agitée. Un instant après, ils étaient sur le pont. « Capitaine, dit Felton, voici la personne dont je vous ai parlé, et qu'il faut conduire saine et sauve en France. »« Moyennant 1000 pistoles, dit le capitaine. Je vous en ai donné 500. »« C'est juste, dit le capitaine. »« Et voilà les 500 autres, reprit Milady, en portant la main au sac d'or. »« Non, dit le capitaine. Je n'ai qu'une parole, et je l'ai donnée à ce jeune homme. » « Les 500 autres pistoles ne me sont dues qu'en arrivant à Boulogne. »« Et nous y arriverons ?»« Saine et sauf, » dit le capitaine. « Aussi vrai que je m'appelle Jack Butler. »« Eh bien, » dit Milady, « si vous tenez votre parole, ce n'est pas 500, mais 1000 pistoles que je vous donnerai. »« Hourra pour vous alors, ma belle dame !» cria le capitaine. « Et puisse Dieu m'envoyer souvent des pratiques comme votre seigneurie. » « En attendant, dit Felton, conduisez-nous dans la petite baie de Chichester, en avant de Portsmouth. Vous savez qu'il est convenu que vous nous conduirez là. » Le capitaine répondit en commandant la manœuvre nécessaire, et vers les 7 heures du matin, le petit bâtiment jetait l'ancre dans la baie désignée. Pendant cette traversée, Felton avait tout raconté à Milady. Comment, au lieu d'aller à Londres, il avait frété le petit bâtiment. Comment il était revenu, comment il avait escaladé la muraille en plaçant dans les interstices des pierres, à mesure qu'il montait, des crampons pour assurer ses pieds, et comment enfin, arrivé au barreau, il avait attaché l'échelle. Milady savait le reste. De son côté, Milady essaya d'encourager Felton dans son projet. Mais aux premiers mots qui sortirent de sa bouche, elle vit bien que le jeune fanatique avait plutôt besoin d'être modéré que d'être affermi. Il fut convenu que Milady attendrait Felton jusqu'à 10 heures. Si à 10 heures il n'était pas de retour, elle partirait. Alors, en supposant qu'il fût libre, il la rejoindrait en France, au couvent des Carmélites de Béthune. Fin du chapitre 58. Chapitre 59 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 59. Ce qui se passait à Portsmouth le 23 août 1628. Felton a pris congé de Milady, comme un frère qui va faire une simple promenade prend congé de sa sœur en lui baisant la main. Toute sa personne paraissait dans son état de calme ordinaire. Seulement, une lueur inaccoutumée brillait dans ses yeux, pareille à un reflet de fièvre. Son front était plus pâle encore que de coutume. Ses dents étaient serrées, et sa parole avait un accent bref et saccadé qui indiquait que quelque chose de sombre s'agitait en lui. Tant qu'il resta sur la barque qui le conduisait à terre, il demeura le visage tourné du côté de Milady, qui, debout sur le pont, le suivait des yeux. Tous deux étaient assez rassurés sur la crainte d'être poursuivis. On n'entrait jamais dans la chambre de Milady avant 9 heures, et il fallait 3 heures pour venir du château à Londres. Felton mit pied à terre, gravit la petite crête qui conduisait au haut de la falaise, salua Milady une dernière fois et prit sa course vers la ville. Au bout de 100 pas, comme le terrain allait en descendant, il ne pouvait plus voir que le mât du sloop. Il courut aussitôt dans la direction de Portsmouth, dont il voyait en face de lui, à un demi-mille à peu près, se dessinaient dans la brume du matin les tours et les maisons. Au-delà de Portsmouth, la mer était couverte de vaisseaux dont on voyait les mâts, pareils à une forêt de peupliers dépouillés par l'hiver, se balancer sous le souffle du vent. Felton, dans sa marche rapide, repassait ce que 10 années de méditation ascétique et un long séjour au milieu des puritains lui avait fourni d'accusations vraies ou fausses contre le favori de Jacques VI et de Charles Ier. Lorsqu'il comparait les crimes publics de ce ministre, crimes éclatants, crimes européens, si l'on pouvait le dire, avec les crimes privés et inconnus dont l'avait chargé Milady, Felton trouvait que le plus coupable des deux hommes que renfermait Buckingham était celui dont le public ne connaissait pas la vie. C'est que son amour si étrange, si nouveau, si ardent, lui faisait voir les accusations infâmes et imaginaires de Lady de Winter, comme on voit au travers d'un verre grossissant, à l'état des monstres effroyables, les atomes imperceptibles en réalité auprès d'une fourmi. La rapidité de sa course allumait encore son sang. L'idée qu'il le laissait derrière lui, exposé à une vengeance effroyable, la femme qu'il aimait, ou plutôt qu'il adorait comme une sainte, l'émotion passée, sa fatigue présente, tout exaltait encore son âme au-dessus des sentiments humains. Il entra à Portsmouth vers les 8 heures du matin. Toute la population était sur pied. Le tambour battait dans les rues et sur le port. Les troupes d'embarquement descendaient vers la mer. Felton arriva au palais de l'amirauté, couvert de poussière et ruisselant de sueur. Son visage, ordinairement si pâle, était pourpre de chaleur et de colère. La sentinelle voulut le repousser, mais Felton appela le chef du poste et, tirant de sa poche la lettre dont il était porteur, « Message pressé de la part de Lord de Winter, » dit-il. Au nom de Lord de Winter, qu'on savait l'un des plus intimes de sa grâce, le chef de poste donna l'ordre de laisser passer Felton, qui, du reste, portait lui-même l'uniforme d'officier de marine. Felton s'élança dans le palais. Au moment où il entrait dans le vestibule, un homme entrait aussi, poudreux, hors d'haleine, laissant à la porte un cheval de poste qui, en arrivant, tomba sur les deux genoux. Felton et lui s'adressèrent en même temps à Patrick, le valet de chambre de confiance du duc. Felton nomma le baron de Winter. L'inconnu ne voulut nommer personne, et prétendit que c'était au duc seul qu'il pouvait se faire connaître. Tous deux insistaient pour passer l'un devant l'autre. Patrick, qui savait que Lord de Winter était en affaire de service et en relation d'amitié avec le duc, donna la préférence à celui qui venait en son nom. L'autre fut forcé d'attendre, et il fut facile de voir combien il maudissait ce retard. Le valet de chambre fit traverser à Felton une grande salle dans laquelle attendaient les députés de La Rochelle, conduits par le prince de Soubise, et l'introduisit dans un cabinet où Buckingham, sortant du bain, achevait sa toilette, à laquelle, cette fois comme toujours, il accordait une attention extraordinaire. « Le lieutenant Felton, » dit Patrick, « de la part de Lord Winter. »« De la part de Lord de Winter, » répéta Buckingham. « Faites entrer. » Felton entra. En ce moment, Buckingham jetait sur un canapé une riche robe de chambre brochée d'or pour endosser un pourpoint de velours bleu tout brodé de perles. « Pourquoi le baron n'est-il pas venu lui-même ? » demanda Buckingham. « Je l'attendais ce matin. » « Il m'a chargé de dire à votre grâce, » répondit Felton, « qu'il regrettait fort de ne pas avoir cet honneur, mais qu'il en était empêché par la garde qu'il est obligé de faire au château. »« Oui, oui, » dit Buckingham, « je sais cela, il a une prisonnière. »« C'est justement de cette prisonnière que je voulais parler à votre grâce, » reprit Felton. « Eh bien, parlez. »« Ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu que de vous, milord. » Laissez-nous, Patrick, dit Buckingham. Mais tenez-vous à portée de la sonnette, je vous appellerai tout à l'heure. Patrick sortit. Nous sommes seuls, monsieur, dit Buckingham. Parlez. Milord, dit Felton, le baron de Winter vous a écrit l'autre jour pour vous prier de signer un ordre d'embarquement relatif à une jeune femme nommée Charlotte Baxon. « Oui, monsieur, et je lui ai répondu de m'apporter ou de m'envoyer cet ordre, et que je le signerai. »« Le voici, milord. »« Donnez, » dit le duc. Et le prenant des mains de Felton, il jeta sur le papier un coup d'œil rapide. Alors, s'apercevant que c'était bien celui qui lui était annoncé, il le posa sur la table, prit une plume et s'apprêta à signer. « Pardon, milord. » dit Felton, arrêtant le duc. « Mais votre grâce sait-elle que le nom de Charlotte Baxon n'est pas le véritable nom de cette jeune femme ?»« Oui, monsieur, je le sais, » répondit le duc en trempant la plume dans l'encrier. « Alors votre grâce connaît son véritable nom ?» demanda Felton d'une voix brève. « Je le connais. » Le duc approcha la plume du papier. « Et connaissant ce véritable nom, » reprit Felton, « Monseigneur signera tout de même ?»« Sans doute, » dit Buckingham, « et plutôt deux fois qu'une. »« Je ne puis le croire, » continua Felton, d'une voix qui devenait de plus en plus brève et saccadée, « que sa grâce sache qu'il s'agit de Lady de Winter. »« Je le sais parfaitement, quoique je sois étonné que vous le sachiez, vous. »« Et votre grâce signera cet ordre sans remords ?» Buckingham regarda le jeune homme avec hauteur. « Ah ça, monsieur, savez-vous bien, lui dit-il, que vous me faites là d'étranges questions, et que je suis bien simple d'y répondre ?»« Répondez-y, monseigneur, » dit Felton. « La situation est plus grave que vous ne le croyez peut-être. » Buckingham pensa que le jeune homme, venant de la part de Lord de Winter, parlait sans doute en son nom et se radoucit. « Sans remords aucun, » dit-il, « et le baron sait comme moi que Milady de Winter est une grande coupable, et que c'est presque lui faire grâce que de borner sa peine à l'extradition. » Le duc posa sa plume sur le papier. « Vous ne signerez pas cet ordre, milord, » dit Felton, en faisant un pas vers le duc. « Je ne signerai pas cet ordre, » dit Buckingham. « Et pourquoi ?»« Parce que vous descendrez en vous-même, et que vous rendrez justice à Milady. » On lui rendra justice en l'envoyant à Tyburn, dit Buckingham. Milady est une infâme. Monseigneur, Milady est un ange, vous le savez bien, et je vous demande sa liberté. Ah, ça, dit Buckingham, êtes-vous fou de me parler ainsi? Milord, excusez-moi, je parle comme je puis, je me contiens. Cependant, Milord, songez à ce que vous allez faire, et craignez d'outrepasser la mesure. Plaît-il? Dieu me pardonne, s'écria Buckingham, mais je crois qu'il me menace. Non, Milord, je prie encore, et je vous dis, une goutte d'eau suffit pour faire déborder le vase plein. Une faute légère peut attirer le châtiment sur la tête épargnée malgré tant de crimes. Monsieur Felton, dit Buckingham, vous allez sortir d'ici et vous rendre aux arrêts sur le champ. Vous allez m'écouter jusqu'au bout, Milord. Vous avez séduit cette jeune fille, vous l'avez outragée, souillée. Réparez vos crimes envers elle, laissez-la partir librement, et je n'exigerai pas autre chose de vous. Vous n'exigerez pas, dit Buckingham, regardant Felton avec étonnement et appuyant sur chacune des syllabes des trois mots qu'il venait de prononcer. Milord, continua Felton en s'exaltant à mesure qu'il parlait. Milord, prenez garde. Toute l'Angleterre est lasse de vos iniquités. Milord, vous avez abusé de la puissance royale que vous avez presque usurpée. Milord, vous êtes en horreur aux hommes et à Dieu. Dieu vous punira plus tard, mais moi, je vous punirai aujourd'hui. Ah, ceci est trop fort, cria Buckingham en faisant un pas vers la porte. Felton lui barra le passage. Je vous le demande humblement, dit-il. Signez l'ordre de mise en liberté de Lady de Winter. Songez que c'est la femme que vous avez déshonorée. Retirez-vous, monsieur, dit Buckingham, ou j'appelle et vous fais mettre au fer. Vous n'appellerez pas, dit Felton, en se jetant entre le duc et la sonnette placée sur un guéridon incrusté d'argent. Prenez garde, milord, vous voilà entre les mains de Dieu. Entre les mains du diable, vous voulez dire, s'écria Buckingham en élevant la voix pour attirer du monde, sans cependant appeler directement. Signez, milord, signez la liberté de Lady de Winter, dit Felton en poussant un papier vers le duc. De force! Vous moquez-vous? Holà, Patrick! Signez, milord. Jamais! Jamais! À moi! S'écria le duc, et en même temps, il sauta sur son épée. Mais Felton ne lui donna pas le temps de la tirer. Il tenait tout ouvert et caché dans son pourpoint le couteau dont s'était frappé Milady. Et d'un bond, il fut sur le duc. En ce moment, Patrick entrait dans la salle en criant. « Milord, une lettre de France !»« De France !» s'écria Buckingham, oubliant tout en pensant de qui lui venait cette lettre. Felton profita du moment et lui enfonça dans le flanc le couteau jusqu'au manche. « Ah, traître !» cria Buckingham. « Tu m'as tué !»« Au meurtre !» hurla Patrick. Felton jeta les yeux autour de lui pour fuir, et voyant la porte libre, s'élança dans la chambre voisine, qui était celle où attendaient, comme nous l'avons dit, les députés de La Rochelle, la traversa tout en courant et se précipita vers l'escalier. Mais sur la première marche, il rencontra Lord de Winter qui, le voyant pâle, égaré, livide, taché de sang à la main et à la figure, lui sauta au cou en s'écriant « Je le savais, je l'avais deviné et j'arrive trop tard d'une minute. Oh, malheureux que je suis !» Felton ne fit aucune résistance. Lord de Winter le remit aux mains des gardes, qui le conduisirent, en attendant de nouveaux ordres, sur une petite terrasse dominant la mer, et il s'élança dans le cabinet de Buckingham. Au cri poussé par le duc, à l'appel de Patrick, l'homme que Felton avait rencontré dans l'antichambre se précipita dans le cabinet. Il trouva le duc, couché sur un sofa, serrant sa blessure dans sa main crispée. « La porte, » dit le duc d'une voix mourante. « La porte. Viens-tu de sa part ?»« Oui, monseigneur, » répondit le fidèle serviteur d'Anne d'Autriche. « Mais trop tard, peut-être. » « Silence, la porte. On pourrait vous entendre. »« Patrick, ne laissez entrer personne. »« Oh, je ne saurais pas ce qu'elle me fait dire. Mon Dieu, et je me meurs. » Et le duc s'évanouit. Cependant, Lord de Winter, les députés, les chefs de l'expédition, les officiers de la maison de Buckingham avaient fait irruption dans sa chambre. Partout, des cris de désespoir retentissaient. La nouvelle, qui emplissait le palais de plaintes et de gémissements, en déborda bientôt partout et se répandit par la ville. Un coup de canon annonça qu'il venait de se passer quelque chose de nouveau et d'inattendu. Lord de Winter s'arrachait les cheveux. « Trop tard d'une minute » s'écriait-il. « Trop tard d'une minute ! Oh, mon Dieu, quel malheur !» En effet, on était venu lui dire à 7 heures du matin qu'une échelle de corde flottait à une des fenêtres du château. Il avait couru aussitôt à la chambre de Milady, avait trouvé la chambre vide et la fenêtre ouverte, les barreaux sciés. Il s'était rappelé la recommandation verbale que lui avait fait transmettre D'Artagnan par son messager. Il avait tremblé pour le duc, et courant à l'écurie sans prendre le temps de faire seller son cheval, avait sauté sur le premier venu, était accouru ventre à terre, et, sautant à bas dans la cour, avait monté précipitamment l'escalier et sur le premier degré, avait, comme nous l'avons dit, rencontré Felton. Cependant, le duc n'était pas mort. Il revint à lui, rouvrit les yeux, et l'espoir rentra dans tous les cœurs. « Messieurs, dit-il, laissez-moi seul avec Patrick et la porte. »« Ah, c'est vous, de Winter. Vous m'avez envoyé ce matin un singulier fou. Voyez l'état dans lequel il m'a mis. »« Oh, milord, s'écria le baron, je ne m'en consolerai jamais. » « Et tu aurais tort, mon cher de Winter, » dit Buckingham en lui tendant la main. « Je ne connais pas d'homme qui mérite d'être regretté pendant toute la vie d'un autre homme. Mais laisse-nous, je t'en prie. » Le baron sortit en sanglotant. Il ne resta dans le cabinet que le duc blessé, la porte et Patrick. On cherchait un médecin qu'on ne pouvait trouver. « Vous vivrez, milord, vous vivrez !» répétait à genoux, devant le sofa du duc, le messager d'Anne d'Autriche. « Que m'écrivait-elle ? » dit faiblement Buckingham, tout en ruisselant de sang et domptant, pour parler de celle qu'il aimait, d'atroces douleurs. « Que m'écrivait-elle ? Lis-moi sa lettre. »« Oh, milord ! » fit la porte. « Obéis, la porte. Ne vois-tu pas que je n'ai pas de temps à perdre ?» La porte rompit le cachet et plaça le parchemin sous les yeux du duc. Mais Buckingham essaya vainement de distinguer l'écriture. « Lis donc, dit-il, lis donc, je n'y vois plus. Lis donc, car bientôt peut-être je n'entendrai plus, et je mourrai sans savoir ce qu'elle m'a écrit. » La porte ne fit plus de difficulté et lut. « Milord, parce que j'ai, depuis que je vous connais, souffert par vous et pour vous, je vous conjure, si vous avez souci de mon repos, d'interrompre les grands armements que vous faites contre la France et de cesser une guerre dont on dit tout haut que la religion est la cause visible et tout bas que votre amour pour moi est la cause cachée. Cette guerre peut non seulement amener pour la France et pour l'Angleterre de grandes catastrophes, mais encore pour vous, milord, des malheurs dont je ne me consolerai pas. Veillez sur votre vie, que l'on menace et qui me sera chère du moment où je ne serai pas obligé de voir en vous un ennemi. Votre affectionnée, Anne. » Buckingham rappela tous les restes de sa vie pour écouter cette lecture. Puis, lorsqu'elle fut finie, comme s'il eût trouvé dans cette lettre un amer désappointement, « N'avez-vous donc pas autre chose à me dire de vive voix, la porte ? » demanda-t-il. « Si fait, monseigneur. La reine m'avait chargé de vous dire de veiller sur vous, car elle avait eu un avis qu'on voulait vous assassiner. » « Et c'est tout ? C'est tout ? » reprit Buckingham avec impatience. « Elle m'avait encore chargé de vous dire qu'elle vous aimait toujours. » « Ah ! » fit Buckingham. « Dieu soit loué. Ma mort ne sera donc pas pour elle la mort d'un étranger. » La porte fondit en larmes. « Patrick, dit le duc, apportez-moi le coffret où étaient les ferrets de diamants. » Patrick apporta l'objet demandé, que la porte reconnut pour avoir appartenu à la reine. « Maintenant, le sachet de satin blanc, où son chiffre est brodé en perles. Patrick obéit encore. « Tenez la porte, » dit Buckingham. « Voici les seuls gages que j'eusse à elle, ce coffret d'argent et ces deux lettres. Vous les rendrez à Sa Majesté, et pour dernier souvenir... » Il chercha autour de lui quelques objets précieux. « Vous y joindrez. » Il chercha encore, mais ses regards obscurcis par la mort ne rencontrèrent que le couteau tombé des mains de Felton, et fumant encore du sang vermeil étendu sur la lame. « Et vous y joindrez ce couteau, » dit le duc en serrant la main de la porte. Il put encore remettre le sachet au fond du coffret d'argent. Il laissa tomber le couteau en faisant signe à la porte qu'il ne pouvait plus parler. Puis, dans une dernière convulsion, que cette fois il n'avait plus la force de combattre, il glissa du sofa sur le parquet. Patrick poussa un grand cri. Buckingham voulut sourire une dernière fois, mais la mort arrêta sa pensée, qui resta gravée sur son front comme un dernier baiser d'amour. En ce moment, le médecin du duc arriva tout effaré. Il était déjà à bord du vaisseau amiral, on avait été obligé d'aller le chercher là. Il s'approcha du duc, prit sa main, la garda un instant dans la sienne et la laissa tomber. « Tout est inutile, » dit-il. « Il est mort. »« Mort ! Mort ! » s'écria Patrick. À ce cri, toute la foule rentra dans la salle, et partout ce ne fut que consternation et que tumulte. Aussitôt que Lord de Winter vit Buckingham expirer, il courut à Felton, que les soldats gardaient toujours sur la terrasse du palais. « Misérable ! » dit-il au jeune homme qui, depuis la mort de Buckingham, avait retrouvé ce calme et ce sang-froid qui ne devait plus l'abandonner. « Misérable, qu'as-tu fait ?»« Je me suis vengé, » dit-il. « Toi, » dit le baron, « dis que tu as servi d'instrument à cette femme maudite. Mais je te le jure, ce crime sera son dernier crime. » « Je ne sais ce que vous voulez dire, » reprit tranquillement Felton. « Et j'ignore de qui vous voulez parler, milord. J'ai tué M. de Buckingham parce qu'il a refusé, deux fois à vous-même, de me nommer capitaine. Je l'ai puni de son injustice. Voilà tout. » De Winter, stupéfait, regardait les gens qui liaient Felton et ne savait que penser d'une pareille insensibilité. Une seule chose jetait cependant un nuage sur le front pur de Felton. À chaque bruit qu'il entendait, le naïf puritain croyait reconnaître les pas et la voix de Milady, venant se jeter dans ses bras pour s'accuser et se perdre avec lui. Tout à coup, il tressaillit. Son regard se fixa sur un point de la mer, que de la terrasse où il se trouvait, on donnait tout entière. Avec ce regard d'aigle du marin, il avait reconnu, là où un autre n'aurait vu qu'un goéland se balançant sur les flots, la voile du sloop qui se dirigeait vers les côtes de France. Il pâlit, porta la main à son cœur qui se brisait, et comprit toute la trahison. « Une dernière grâce, milord, » dit-il au baron. « Laquelle ?» demanda celui-ci. « Quelle heure est-il ? » Le baron tira sa montre. « 9h-10, » dit-il. Milady avait devancé son départ d'une heure et demie dès qu'elle avait entendu le coup de canon qui annonçait le fatal événement. Elle avait donné l'ordre de lever l'ancre. La barque voguait sous un ciel bleu à une grande distance de la côte. « Dieu l'a voulu, » dit Felton, avec la résignation du fanatique. Mais cependant, sans pouvoir détacher les yeux de cet esquif à bord duquel il croyait sans doute distinguer le blanc fantôme de celle à qui sa vie allait être sacrifiée. De Winter suivit son regard, interrogea sa souffrance et devina tout. « Sois puni seul d'abord, misérable, » dit Lord de Winter à Felton, qui se laissait entraîner les yeux tournés vers la mer. « Mais je te jure, sur la mémoire de mon frère que j'aimais tant, que ta complice n'est pas sauvée. » Felton baissa la tête sans prononcer une syllabe. Quant à De Winter, il descendit rapidement l'escalier et se rendit au port. Fin du chapitre 59. Chapitre 60 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 60. En France. La première crainte du roi d'Angleterre, Charles Ier, en apprenant cette mort, fut qu'une si terrible nouvelle ne découragea les Rochelois. Il essaya, dit Richelieu dans ses mémoires, de la leur cacher le plus longtemps possible, faisant fermer les ports par tout son royaume, et prenant soigneusement garde qu'aucun vaisseau ne sortît, jusqu'à ce que l'armée que Buckingham apprêtait fût partie, se chargeant, à défaut de Buckingham, de surveiller lui-même le départ. Il poussa même la sévérité de cet ordre jusqu'à retenir en Angleterre l'ambassadeur de Danemark, qui avait pris congé, et l'ambassadeur ordinaire de Hollande, qui devait ramener dans le port de Flessing les navires des Indes que Charles Ier avait fait restituer aux Provinces Unies. Mais, comme il ne songea à donner cet ordre que 5 heures après l'événement, c'est-à-dire à 2 heures de l'après-midi, 2 navires étaient déjà sortis du port. L'un, emmenant, comme nous le savons, Milady, laquelle, se doutant déjà de l'événement, fut encore confirmée dans cette croyance en voyant le pavillon noir se déployer au mât du vaisseau amiral. Quant au second bâtiment, nous dirons plus tard qui il portait et comment il partit. Pendant ce temps, du reste, rien de nouveau au camp de La Rochelle. Seulement le roi, qui s'ennuyait fort, comme toujours, mais peut-être encore un peu plus au camp qu'ailleurs, résolu d'aller incognito passer les fêtes de Saint-Louis à Saint-Germain, et demanda au cardinal de lui faire préparer une escorte de 20 mousquetaires seulement. Le cardinal, que l'ennui du roi gagnait quelquefois, accorda avec grand plaisir ce congé à son royal lieutenant, lequel promit d'être de retour vers le 15 septembre. Monsieur de Tréville, prévenu par son éminence, fit son porte-manteau, et comme, sans en savoir la cause, il avait le vif désir et même l'impérieux besoin que ses amis avaient de revenir à Paris, il va sans dire qu'il les désigna pour faire partie de l'escorte. Les 4 jeunes gens surent la nouvelle 1 quart d'heure après M. de Tréville, car ils furent les premiers à qui il la communiqua. Ce fut alors que D'Artagnan apprécia la faveur que lui avait accordée le cardinal en le faisant enfin passer aux mousquetaires. Sans cette circonstance, il était forcé de rester au camp, tandis que ses compagnons partaient. On verra plus tard que cette impatience de remonter vers Paris avait pour cause le danger que devait courir Madame Bonacieux en se rencontrant au couvent de Béthune avec Milady, son ennemi mortel. Aussi, comme nous l'avons dit, Aramis avait écrit immédiatement à Marie Michon, cette lingère de Tours qui avait de si belles connaissances, pour qu'elle obtînt que la reine donnât l'autorisation à Madame Bonacieux de sortir du couvent et de se retirer soit en Lorraine, soit en Belgique. La réponse ne s'était pas fait attendre, et 8 ou 10 jours après, Aramis avait reçu cette lettre. « Mon cher cousin, voici l'autorisation de ma sœur à retirer notre petite servante du couvent de Béthune, dont vous pensez que l'air est mauvais pour elle. Ma sœur vous envoie cette autorisation avec grand plaisir, car elle aime fort cette petite fille, à laquelle elle se réserve d'être utile plus tard. Je vous embrasse, Marie Michon. » À cette lettre était jointe une autorisation ainsi conçue. La supérieure du couvent de Béthune remettra aux mains de la personne qui lui remettra ce billet la novice qui était entrée dans son couvent sous ma recommandation et sous mon patronage. Au Louvre, le 10 août 1628. Anne. On comprend combien ces relations de parenté entre Aramis et une lingère qui appelait la reine sa sœur, avait égayé la verve des jeunes gens. Mais Aramis, après avoir rougi deux ou trois fois jusqu'au blanc des yeux, aux grosses plaisanteries de Porthos, avait prié ses amis de ne plus revenir sur ce sujet, déclarant que s'il lui en était dit encore un seul mot, il n'emploierait plus sa cousine comme intermédiaire dans ces sortes d'affaires. Il ne fut donc plus question de Marie Michon entre les quatre mousquetaires, qui d'ailleurs avaient ce qu'ils voulaient, l'ordre de tirer Madame Bonacieux du couvent des Carmélites de Béthune. Il est vrai que cet ordre ne leur servait pas à grand-chose tant qu'ils seraient au camp de La Rochelle, c'est-à-dire à l'autre bout de la France. Aussi d'Artagnan allait-il demander un congé à M. de Tréville, en lui confiant tout bonnement l'importance de son départ, lorsque cette nouvelle lui fut transmise, ainsi qu'à ses trois compagnons, que le roi allait partir pour Paris avec une escorte de 20 mousquetaires, et qu'il faisait partie de l'escorte. La joie fut grande. On envoya les valets devant avec les bagages, et l'on partit le 16 au matin. Le cardinal reconduisit Sa Majesté de Surgères à Mauzé, et là, le roi et son ministre prirent congé l'un de l'autre avec de grandes démonstrations d'amitié. Cependant, le roi, qui cherchait de la distraction tout en cheminant le plus vite qu'il lui était possible, car il désirait être arrivé à Paris pour le 23, s'arrêtait de temps en temps pour voler la pie, passe-temps dont le goût lui avait autrefois été inspiré par de Lune, et pour lequel il avait toujours conservé une grande prédilection. Sur les 20 mousquetaires, 16, lorsque la chose arrivait, se réjouissaient fort de ce bon temps. Mais 4 maugréaient de leur mieux. D'Artagnan surtout avait des bourdonnements perpétuels dans les oreilles, ce que Porthos expliquait ainsi. « Une très grande dame m'a appris que cela veut dire que l'on parle de vous quelque part. » Enfin, l'escorte traversa Paris le 23 dans la nuit. Le roi remercia M. de Tréville et lui permit de distribuer des congés pour 4 jours, à la condition que pas un des favorisés ne partirait dans un lieu public, sous peine de la Bastille. Les 4 premiers congés accordés, comme on le pense bien, furent à nos 4 amis. Il y a plus. Athos obtint de M. de Tréville 6 jours au lieu de 4, et fit mettre dans ces 6 jours 2 nuits de plus, car ils partirent le 24, à 5 heures du soir, et par complaisance encore, M. de Tréville postdata le congé du 25 au matin. « Eh mon Dieu !» disait D'Artagnan, qui, comme on le sait, ne doutait jamais de rien. « Il me semble que nous faisons bien de l'embarras pour une chose bien simple. En 2 jours, et en crevant 2 ou 3 chevaux, peu m'importe, j'ai de l'argent, je suis à Béthune, je remets la lettre de la reine à la supérieure, et je ramène le cher trésor que je vais chercher, non pas en Lorraine, non pas en Belgique, mais à Paris, où il sera mieux caché, surtout tant que monsieur le cardinal sera à La Rochelle. Puis, une fois de retour de la campagne, eh bien, moitié par la protection de sa cousine, moitié en faveur de ce que nous avons fait personnellement pour elle, nous obtiendrons de la reine ce que nous voudrons. Restez donc ici, ne vous épuisez pas de fatigue inutilement. Moi et Planchet, c'est tout ce qu'il faut pour une expédition aussi simple. » À ceci, Athos répondit tranquillement. « Nous aussi, nous avons de l'argent, car je n'ai pas encore bu tout à fait le reste du diamant. Et Porthos et Aramis ne l'ont pas tout à fait mangé. Nous crèverons donc aussi bien 4 chevaux qu'un. Mais songez, D'Artagnan, ajouta-t-il d'une voix si sombre que son accent donna le frisson au jeune homme, songez que Béthune est une ville où le cardinal a donné rendez-vous à une femme qui, partout où elle va, mène le malheur après elle. Si vous n'aviez affaire qu'à 4 hommes, D'Artagnan, je vous laisserais aller seul. Si vous avez affaire à cette femme, allons-y 4, et plaise à Dieu qu'avec nos 4 valets, nous soyons en nombre suffisant. « Vous m'épouvantez, Athos !» s'écria D'Artagnan. « Que craignez-vous donc, mon Dieu ?»« Tout !» répondit Athos. D'Artagnan examina les visages de ses compagnons, qui, comme celui d'Athos, portaient l'empreinte d'une inquiétude profonde, et l'on continua la route au plus grand pas des chevaux, mais sans ajouter une seule parole. Le 25 au soir, comme ils entraient à Arras, et comme D'Artagnan venait de mettre pied à terre à l'auberge de la Herse d'Or pour boire un verre de vin, un cavalier sortit de la cour de la poste, où il venait de relayer, prenant au grand galop et avec un cheval frais, le chemin de Paris. Au moment où il passait de la grande porte dans la rue, le vent entr'ouvrit le manteau dont il était enveloppé, quoiqu'on fût au mois d'août, et enleva son chapeau, que le voyageur retint de sa main, au moment où il avait déjà quitté sa tête, et il l'enfonça vivement sur ses yeux. D'Artagnan, qui avait les yeux fixés sur cet homme, devint fort pâle et laissa tomber son verre. « Qu'avez-vous, monsieur ? » dit Planchet. « Holà ! Accourez, messieurs, voilà que mon maître se trouve mal. » Les trois amis accoururent, et trouvèrent D'Artagnan qui, au lieu de se trouver mal, courait à son cheval. Ils l'arrêtèrent sur le seuil de la porte. « Eh bien, où diable vas-tu donc ainsi ? » lui cria Athos. « C'est lui ! » s'écria D'Artagnan, pâle de colère et la sueur sur le front. « C'est lui ! Laissez-moi le rejoindre !»« Mais qui est lui ? » demanda Athos. « Lui, cet homme !»« Quel homme ? » ?»« Cet homme maudit, mon mauvais génie, que j'ai toujours vu lorsque j'étais menacé de quelque malheur. Celui qui accompagnait l'horrible femme lorsque je la rencontrai pour la première fois. Celui que je cherchais lorsque j'ai provoqué Athos. Celui que j'ai vu le matin du jour où Madame Bonacieux a été enlevée. L'homme de Meung, enfin. Je l'ai vu, c'est lui. Je l'ai reconnu quand le vent a entr'ouvert son manteau. Diable ! Fit Athos rêveur. En selle, messieurs, en selle. Poursuivons-le et nous le rattraperons. Mon cher, dit Aramis, songez qu'il va du côté opposé à celui où nous allons. Qu'il a un cheval frais et que nos chevaux sont fatigués, que par conséquent nous crèverons nos chevaux sans même avoir la chance de le rejoindre. Laissons l'homme D'Artagnan, sauvons la femme. « Eh, monsieur !» s'écria un garçon d'écurie courant après l'inconnu. « Eh, monsieur ! Voilà un papier qui s'est échappé de votre chapeau. Eh, monsieur ! Eh !»« Mon ami, dit D'Artagnan, une demi-pistole pour ce papier. » « Ma foi, monsieur, avec grand plaisir, le voici. » Le garçon d'écurie, enchanté de la bonne journée qu'il avait faite, rentra dans la cour de l'hôtel. D'Artagnan déplia le papier. « Eh bien ? » demandèrent ses amis en l'entourant. « Rien qu'un mot, dit D'Artagnan. « Oui, dit Aramis, mais ce nom est un nom de ville ou de village. « Armentières, lui Porthos. « Armentières, je ne connais pas cela. » Et son nom de ville ou de village est écrit de sa main, s'écria Athos. « Allons, allons, gardons soigneusement ce papier, dit D'Artagnan. Peut-être n'ai-je pas perdu ma dernière pistole. À cheval, mes amis, à cheval. » Et les quatre compagnons s'élancèrent au galop sur la route de Béthune. Fin du chapitre 60. Chapitre 61 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 61. Le couvent des Carmélites de Béthune. Les grands criminels portent avec eux une espèce de prédestination qui leur fait surmonter tous les obstacles, qui les fait échapper à tous les dangers, jusqu'au moment que la Providence, lassée, a marqué pour l'écueil de leur fortune impie. Il en était ainsi de Milady. Elle passa au travers des croiseurs des deux nations et arriva à Boulogne sans aucun accident. En débarquant à Portsmouth, Milady était une Anglaise que les persécutions de la France chassaient de la Rochelle. Débarquée à Boulogne, après 2 jours de traversée, elle se fit passer pour une Française que les Anglais inquiétaient à Portsmouth dans la haine qu'ils avaient conçue contre la France. Milady avait d'ailleurs le plus efficace des passeports, sa beauté, sa grande mine et la générosité avec laquelle elle répandait les pistoles. Affranchie des formalités d'usage par le sourire affable et les manières galantes d'un vieux gouverneur du port qui lui baisa la main, elle ne resta à Boulogne que le temps de mettre à la poste une lettre ainsi conçue. « À son éminence, Monseigneur le cardinal de Richelieu, en son camp devant La Rochelle. Monseigneur, que votre éminence se rassure, sa grâce le duc de Buckingham ne partira point pour la France. Boulogne, 25 au soir, Milady de. P.S. Selon les désirs de votre éminence, je me rends au couvent des Carmélites de Béthune où j'attendrai ses ordres. » Effectivement, le même soir, Milady se mit en route. La nuit la prit. Elle s'arrêta et coucha dans une auberge. Puis, le lendemain, à 5 heures du matin, elle partit, et 3 heures après, elle entra à Béthune. Elle se fit indiquer le couvent des Carmélites et y entra aussitôt. La supérieure vint au-devant d'elle. Milady lui montra l'ordre du cardinal. L'abbesse lui fit donner une chambre et servir à déjeuner. Tout le passé s'était déjà effacé aux yeux de cette femme, et le regard fixé vers l'avenir, elle ne voyait que la haute fortune que lui réservait le cardinal, qu'elle avait si heureusement servi, sans que son nom fût mêlé en rien à toute cette sanglante affaire. Les passions toujours nouvelles qui la consumaient donnaient à sa vie l'apparence de ces nuages qui volent dans le ciel, reflétant tantôt l'azur, tantôt le feu, tantôt le noir opaque de la tempête, et qui ne laisse d'autres traces sur la terre que la dévastation et la mort. Après le déjeuner, l'abbesse vint lui faire sa visite. Il y a peu de distraction au cloître, et la bonne supérieure avait hâte de faire connaissance avec sa nouvelle pensionnaire. Milady voulait plaire à l'abbesse. Or, c'était chose facile à cette femme si réellement supérieure. Elle essaya d'être aimable. Elle fut charmante et séduisit la bonne supérieure par sa conversation si variée et par les grâces répandues dans toute sa personne. L'abbesse, qui était une fille de noblesse, aimait surtout les histoires de cour, qui parviennent si rarement jusqu'aux extrémités du royaume et qui, surtout, ont tant de peine à franchir les murs des couvents, au seuil desquels viennent expirer les bruits du monde. Milady, au contraire, était fort au courant de toutes les intrigues aristocratiques, au milieu desquelles, depuis 5 ou 6 ans, elle avait constamment vécu. Elle se mit donc à entretenir la bonne abbesse des pratiques mondaines de la cour de France, mêlées aux dévotions outrées du roi. Elle lui fit la chronique scandaleuse des seigneurs et des dames de la cour, que l'abbesse connaissait parfaitement de nom, toucha légèrement les amours de la reine et de Buckingham, parlant beaucoup pour qu'on parlât un peu. Mais l'abbesse se contenta d'écouter et de sourire, le tout sans répondre. Cependant, comme Milady vit que ce genre de récit l'amusait fort, elle continua. Seulement, elle fit tomber la conversation sur le cardinal. Mais elle était fort embarrassée. Elle ignorait si l'abbesse était royaliste ou cardinaliste. Elle se tint dans un milieu prudent, mais l'abbesse de son côté se tint dans une réserve plus prudente encore, se contentant de faire une profonde inclination de tête toutes les fois que la voyageuse prononçait le nom de son éminence. Milady commença à croire qu'elle s'ennuierait fort dans le couvent. Elle résolut donc de risquer quelque chose pour savoir de suite à quoi s'en tenir. Voulant voir jusqu'où irait la discrétion de cette bonne abbesse, elle se mit à dire un mal, très dissimulé d'abord, puis très circonstancié, du cardinal, racontant les amours du ministre avec Madame d'Aiguillon, avec Marion de Lorme et avec quelques autres femmes galantes. L'abbesse écouta plus attentivement, s'anima peu à peu et sourit. « Bon, dit Milady, elle prend goût à mon discours. Si elle est cardinaliste, elle n'y met pas de fanatisme, au moins. Alors elle passa aux persécutions exercées par le cardinal sur ses ennemis. L'abbesse se contenta de se signer, sans approuver ni désapprouver. Cela confirma Milady dans son opinion que la religieuse était plutôt royaliste que cardinaliste. Milady continua, renchérissant de plus en plus. « Je suis fort ignorante de toutes ces matières-là, » dit enfin l'abbesse, « mais tout éloignée que nous sommes de la cour, tout en dehors des intérêts du monde où nous nous trouvons placés, nous avons des exemples fort tristes de ce que vous nous racontez là, et l'une de nos pensionnaires a bien souffert des vengeances et des persécutions de M. le cardinal. » « Une de vos pensionnaires ?» dit Milady. « Oh, mon Dieu, pauvre femme, je la plains alors. » « Et vous avez raison, car elle est bien à plaindre. Prison, menaces, mauvais traitements, elle a tout souffert. Mais après tout, reprit l'abbesse, monsieur le cardinal avait peut-être des motifs plausibles pour agir ainsi. Et quoiqu'elle ait l'air d'un ange, il ne faut pas toujours juger les gens sur la mine. » « Bon, dit Milady, à elle-même, qui sait, je vais peut-être découvrir quelque chose ici. « Je suis en veine. » Et elle s'appliqua à donner à son visage une expression de candeur parfaite. « Hélas, dit Milady, je le sais, on dit cela qu'il ne faut pas croire aux physionomies. Mais à quoi croira-t-on cependant, si ce n'est au plus bel ouvrage du Seigneur? Quant à moi, je serai trompée toute ma vie peut-être, mais je me fierai toujours à une personne dont le visage m'inspirera de la sympathie. » « Vous seriez donc tenté de croire, dit l'abbesse, que cette jeune femme est innocente ?»« Monsieur le cardinal ne punit pas que les crimes, dit-elle. Il y a certaines vertus qu'il poursuit plus sévèrement que certains forfaits. »« Permettez-moi, madame, de vous exprimer ma surprise, dit l'abbesse. »« Et sur quoi ?» demanda Milady avec naïveté. « Mais sur le langage que vous tenez. »« Que trouvez-vous d'étonnant à ce langage ?» demanda en souriant Milady. Vous êtes l'amie du cardinal, puisqu'il vous envoie ici. Et cependant, j'en dis du mal, reprit Milady, achevant la pensée de la supérieure. Au moins, n'en dites-vous pas de bien. C'est que je ne suis pas son amie, dit-elle en soupirant, mais sa victime. Mais cependant, cette lettre par laquelle il vous recommande à moi est un ordre à moi de me tenir dans une espèce de prison dont il me fera tirer par quelques-uns de ses satellites. Mais pourquoi n'avez-vous pas fui? Où irai-je? Croyez-vous qu'il y ait un endroit de la terre où ne puisse atteindre le cardinal, s'il veut se donner la peine de tendre la main? Si j'étais un homme, à la rigueur, cela serait possible encore. Mais une femme, que voulez-vous que fasse une femme? Cette jeune pensionnaire que vous avez ici, a-t-elle essayé de fuir, elle? Non, c'est vrai, mais elle, c'est autre chose. Je la crois retenue en France par quelque amour. Alors, dit Milady avec un soupir, si elle aime, elle n'est pas tout à fait malheureuse. Ainsi, dit l'abbesse, en regardant Milady avec un intérêt croissant, c'est encore une pauvre persécutée que je vois. Hélas, oui, dit Milady. L'abbesse regarda un instant Milady avec inquiétude, comme si une nouvelle pensée surgissait dans son esprit. « Vous n'êtes pas ennemie de notre sainte foi ? » dit-elle en balbutiant. « Moi ! » s'écria Milady. « Moi, protestante ! Oh non, j'atteste le Dieu qui nous entend que je suis au contraire fervente catholique. » « Alors, madame, dit l'abbesse en souriant, rassurez-vous, la maison où vous êtes ne sera pas une prison bien dure, et nous ferons tout ce qu'il faudra pour vous faire chérir la captivité. Il y a plus. Vous trouverez ici cette jeune femme persécutée sans doute par suite de quelque intrigue de cour. Elle est aimable, gracieuse. Comment la nommez-vous? Elle m'a été recommandée par quelqu'un de très haut placé, sous le nom de Ketty. Je n'ai pas cherché à savoir son autre nom. Ketty, s'écria Milady. Quoi, vous êtes sûre? Qu'elle se fait appeler ainsi? Oui, madame. La connaîtriez-vous? Milady sourit à elle-même, et à l'idée qui lui était venue que cette jeune femme pouvait être son ancienne camérière. Il se mêlait au souvenir de cette jeune fille, un souvenir de colère et un désir de vengeance avaient bouleversé les traits de Milady, qui reprirent au reste presque aussitôt l'expression calme et bienveillante que cette femme aux cent visages leur avait momentanément fait perdre. « Et quand pourrais-je voir cette jeune dame, pour laquelle je me sens déjà une si grande sympathie ?» demanda Milady. « Mais ce soir, dit l'abbesse, dans la journée même. Mais vous voyagez depuis 4 jours, m'avez-vous dit vous-même. Ce matin, vous vous êtes levé à 5 heures. Vous devez avoir besoin de repos. Couchez-vous et dormez. À l'heure du dîner, nous vous réveillerons. » Quoique Milady eût très bien pu se passer de sommeil, soutenue qu'elle était par toutes les excitations qu'une aventure nouvelle faisait éprouver à son cœur avide d'intrigue, elle n'en accepta pas moins l'offre de la supérieure. Depuis 12 jours, elle avait passé par tant d'émotions diverses que, si son corps de fer pouvait encore soutenir la fatigue, son âme avait besoin de repos. Elle prit donc congé de l'abbesse et se coucha, doucement bercée par les idées de vengeance auxquelles elle avait tout naturellement ramené le nom de Ketty. Elle se rappelait cette promesse presque illimitée que lui avait faite le cardinal. Si elle réussissait dans son entreprise, elle avait réussi, elle pourrait donc se venger de D'Artagnan. Une seule chose épouvantait Milady, c'était le souvenir de son mari, le comte de la Fère, qu'elle avait cru mort ou du moins expatrié, et qu'elle retrouvait dans Athos, le meilleur ami de D'Artagnan. Mais aussi, s'il était l'ami de D'Artagnan, il aurait dû lui prêter assistance dans toutes les menaces à l'aide desquelles la reine avait déjoué les projets de son éminence. S'il était l'ami de D'Artagnan, il était l'ennemi du cardinal, et sans doute, elle parviendrait à l'envelopper dans la vengeance au repli de laquelle elle comptait étouffer le jeune mousquetaire. Toutes ses espérances étaient de douces pensées pour Milady. Aussi, bercée par elle, s'endormit-elle bientôt. Elle fut réveillée par une voix douce qui retentit au pied de son lit. Elle ouvrit les yeux et vit l'abbesse accompagnée d'une jeune femme aux cheveux blonds, au teint délicat, qui fixait sur elle un regard plein d'une bienveillante curiosité. La figure de cette jeune femme lui était complètement inconnue. Toutes deux s'examinèrent avec une scrupuleuse attention, tout en échangeant les compliments d'usage. Toutes deux étaient fort belles, mais de beauté tout à fait différente. Cependant, Milady sourit en reconnaissant qu'elle emportait de beaucoup sur la jeune femme en grand air et en façon aristocratique. Il est vrai que l'habit de novice que portait la jeune femme n'était pas très avantageux pour soutenir une lutte de ce genre. L'abbesse les présenta l'une à l'autre. Puis, lorsque cette formalité fut remplie, comme ses devoirs l'appelaient à l'église, elle laissa les deux jeunes femmes seules. La novice, voyant Milady couchée, voulait suivre la supérieure, mais Milady la retint. « Comment, madame ? » lui dit-elle. « À peine vous ai-je aperçue, et vous voulez déjà me priver de votre présence, sur laquelle je comptais cependant un peu, je vous l'avoue, pour le temps que j'ai à passer ici ?»« Non, madame, » répondit la novice. « Seulement, je craignais d'avoir mal choisi mon temps. Vous dormiez, vous êtes fatiguée. » « Eh bien, » dit Milady, « que peuvent demander les gens qui dorment ? Un bon réveil. Ce réveil, vous me l'avez donné. Laissez-moi en jouir tout à mon aise. » Et lui prenant la main, elle l'attira sur un fauteuil qui était près de son lit. La novice s'assit. « Mon Dieu, » dit-elle, « que je suis malheureuse. Voilà 6 mois que je suis ici, sans l'ombre d'une distraction. Vous arrivez, votre présence allait être pour moi une compagnie charmante, et voilà que, selon toute probabilité, d'un moment à l'autre je vais quitter le couvent. « Comment ? » dit Milady. « Vous sortez bientôt ?»« Du moins, je l'espère, » dit la novice, avec une expression de joie qu'elle ne cherchait pas le moins du monde à déguiser. Je crois avoir appris que vous aviez souffert de la part du cardinal, continua Milady. C'eût été un motif de plus de sympathie entre nous. Ce que m'a dit notre bonne mère est donc la vérité, que vous étiez aussi une victime de ce méchant cardinal? Chut, dit Milady. Mais messieurs, ne parlons pas ainsi de lui. Tous mes malheurs viennent d'avoir dit à peu près ce que vous venez de dire, devant une femme que je croyais mon amie et qui m'a trahi. Et vous êtes aussi, vous, la victime d'une trahison? Non, dit la novice. Mais demandez-vous-moi à une femme que j'aimais, pour qui j'eusse donné ma vie, et pour qui je la donnerais encore. Et qui vous a abandonné, c'est cela? J'ai été assez injuste pour le croire, mais depuis 2 ou 3 jours, j'ai acquis la preuve du contraire, et j'en remercie Dieu. Il m'aurait coûté de croire qu'elle m'avait oublié. Mais vous, madame, continua la novice, il me semble que vous êtes libre, et que si vous vouliez fuir, il ne tiendrait qu'à vous. Où voulez-vous que j'aille, sans amis, sans argent, dans une partie de la France que je ne connais pas, où je ne suis jamais venue? Oh, s'écria la novice, quant à des amis, vous en aurez partout où vous vous montrerez. Vous paraissez si bonne, et vous êtes si belle. Cela n'empêche pas, reprit Milady, en adoucissant son sourire de manière à lui donner une expression angélique, que je suis seule et persécutée. Écoutez, dit la novice, il faut avoir bon espoir dans le ciel, voyez-vous. Il vient toujours un moment où le bien que l'on a fait plaide votre cause devant Dieu. Et tenez, peut-être un saint bonheur pour vous, tout humble et sans pouvoir que je suis, que vous m'ayez rencontré. Car si je sors d'ici, eh bien j'aurai quelques amis puissants, qui, après s'être mis en campagne pour moi, pourront aussi se mettre en campagne pour vous. Oh, quand j'ai dit que j'étais seule, dit Milady, espérant faire parler la novice en parlant d'elle-même, ce n'est pas faute d'avoir aussi quelques connaissances haut placées. Mais ces connaissances tremblent elles-mêmes devant le cardinal. La reine elle-même n'ose pas soutenir contre le terrible ministre. J'ai la preuve que Sa Majesté, malgré son excellent cœur, a plus d'une fois été obligée d'abandonner à la colère de son éminence les personnes qui l'avaient servie. Croyez-moi, madame, la reine peut avoir l'air d'avoir abandonné ces personnes-là, mais il ne faut pas en croire l'apparence. Plus elles sont persécutées, plus elles pensent à elles, et souvent, au moment où elles y pensent le moins, elles ont la preuve d'un bon souvenir. Hélas, dit Milady, je le crois, la reine est si bonne. Oh, vous la connaissez donc, cette belle et noble reine, que vous parlez d'elle ainsi? S'écria la novice avec enthousiasme. C'est-à-dire, reprit Milady, poussée dans ses retranchements, qu'elle, personnellement, je n'ai pas l'honneur de la connaître. Mais je connais bon nombre de ses amis les plus intimes. Je connais M. de Putange. J'ai connu en Angleterre M. Dujard. Je connais M. de Tréville. M. de Tréville, s'écria la novice, vous connaissez M. de Tréville? Oui, parfaitement. Beaucoup même. Le capitaine des mousquetaires du roi? Le capitaine des mousquetaires du roi. Oh, mais vous allez voir, s'écria la novice, que tout à l'heure, nous allons être des connaissances achevées, presque des amis. Si vous connaissez M. de Tréville, vous avez dû aller chez lui? Souvent, dit Milady, qui, entrée dans cette voie et s'apercevant que le mensonge réussissait, voulait le pousser jusqu'au bout. Chez lui, vous avez dû voir quelques-uns de ses mousquetaires? Tous ceux qu'il reçoit habituellement, répondit Milady, pour laquelle cette conversation commençait à prendre un intérêt réel. Nommez-moi quelques-uns de ceux que vous connaissez, et vous verrez qu'ils sont de mes amis. Mais, dit Milady embarrassée, je connais M. de Louvigny, M. de Courtivron, M. de Férussac. La novice la laissa dire. Puis, voyant qu'elle s'arrêtait, « Vous ne connaissez pas, dit-elle, un gentilhomme nommé Athos ?» Milady devint aussi pâle que les draps dans lesquels elle était couchée, et si maîtresse qu'elle fût d'elle-même, ne put s'empêcher de pousser un cri en saisissant la main de son interlocutrice et en la dévorant du regard. « Quoi? Qu'avez-vous? Oh, mon Dieu! Demanda cette pauvre femme. Ai-je donc dit quelque chose qui vous ait blessé? Non. Mais ce nom m'a frappé, parce que moi aussi j'ai connu ce gentilhomme, et qu'il me paraît étrange de trouver quelqu'un qui le connaisse beaucoup. Oh oui, beaucoup, beaucoup. Non seulement lui, mais encore ses amis, messieurs Porthos et Aramis. En vérité, eux aussi je les connais, s'écria Milady, qui sentit le froid pénétrer jusqu'à son cœur. Eh bien, si vous les connaissez, vous devez savoir qu'ils sont bons et francs compagnons. Que ne vous adressez-vous à eux si vous avez besoin d'appui? C'est-à-dire, balbutia Milady, que je ne suis liée réellement avec aucun d'eux. Je les connais pour en avoir beaucoup entendu parler par un de leurs amis, M. d'Artagnan. Vous connaissez M. d'Artagnan? S'écria la novice à son tour, en saisissant la main de Milady et en la dévorant des yeux. Puis, remarquant l'étrange expression du regard de Milady, « Pardon, madame, dit-elle, vous le connaissez à quel titre ?»« Mais, reprit Milady embarrassée, mais à titre d'ami. » « Vous me trompez, madame, dit la novice, vous avez été sa maîtresse. »« C'est vous qui l'avez été, madame, s'écria Milady à son tour. »« Moi, dit la novice. » « Oui, vous. Je vous connais maintenant. Vous êtes madame Bonacieux. » La jeune femme se recula, pleine de surprise et de terreur. « Oh, ne niez pas. Répondez, reprit Milady. « Eh bien oui, madame. Je l'aime, dit la novice. Sommes-nous rivales ?» La figure de Milady s'illumina d'un feu tellement sauvage que, dans toute autre circonstance, madame Bonacieux se fût enfuie d'épouvante. Mais elle était toute à sa jalousie. « Voyons, dites, madame, reprit madame Bonacieux, avec une énergie dont on l'eût cru incapable. Avez-vous été ou êtes-vous sa maîtresse ?»« Oh non !» s'écria Milady, avec un accent qui n'admettait pas le doute sur sa vérité. « Jamais, jamais !»« Je vous crois, dit madame Bonacieux. Mais pourquoi donc alors vous êtes-vous écriée ainsi ?»« Comment ? Vous ne comprenez pas, dit Milady, qui était déjà remise de son trouble, et qui avait retrouvé toute sa présence d'esprit. « Comment voulez-vous que je vous comprenne? Je ne sais rien. » « Vous ne comprenez pas que, M. d'Artagnan étant mon ami, il m'avait prise pour confidente? Vraiment? Vous ne comprenez pas que je sais tout, votre enlèvement de la petite maison de Saint-Germain, son désespoir, celui de ses amis, leur recherche inutile depuis ce moment? Et comment ne voulez-vous pas que je m'en étonne quand, sans m'en douter, je me trouve en face de vous dont nous avons parlé si souvent ensemble, de vous qu'il aime de toute la force de son âme, de vous qu'il m'avait fait aimer avant que je vous eusse vu. Ah, chère Constance, je vous trouve donc, je vous vois enfin. » Et Milady tendit ses bras à madame Bonacieux, qui, convaincue par ce qu'elle venait de lui dire, ne vit plus dans cette femme qu'un instant auparavant elle avait cru sa rivale, qu'une amie sincère et dévouée. « Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi, » s'écria-t-elle, en se laissant aller sur son épaule. « Je l'aime tant. » Les deux femmes se tinrent un instant embrassées. Certes, si les forces de Milady eussent été à la hauteur de sa haine, madame Bonacieux ne fut sortie que morte de cet embrassement. Mais ne pouvant pas l'étouffer, elle lui sourit. Oh, chère belle, chère bonne petite, dit Milady, que je suis heureuse de vous voir. Laissez-moi vous regarder. Et en disant ces mots, elle la dévorait effectivement du regard. Oui, c'est bien vous. Ah, d'après ce qu'il m'a dit, je vous reconnais à cette heure. Je vous reconnais parfaitement. La pauvre jeune femme ne pouvait se douter de ce qui se passait d'affreusement cruel derrière le rempart de ce front pur. Derrière ses yeux si brillants, où elle ne lisait que de l'intérêt et de la compassion. « Alors vous savez que j'ai souffert, dit madame Bonacieux, puisqu'il vous a dit ce qu'il souffrait. Mais souffrir pour lui, c'est du bonheur. » Milady reprit machinalement. « Oui, c'est du bonheur. » Elle pensait à autre chose. « Et puis, continua madame Bonacieux, mon supplice touche à son terme. Demain, ce soir peut-être, je le reverrai, et alors le passé n'existera plus. » Ce soir, demain, s'écria Milady, tirée de sa rêverie par ces paroles. Que voulez-vous dire? Attendez-vous quelque nouvelle de lui? Je l'attends lui-même. Lui-même? D'Artagnan? Ici? Lui-même. Mais c'est impossible. Il est au siège de La Rochelle, avec le cardinal. Il ne reviendra à Paris qu'après la prise de la ville. Vous le croyez ainsi? Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à mon D'Artagnan, le noble et loyal gentilhomme? Oh, je ne puis vous croire. Eh bien, lisez donc, dit, dans l'excès de son orgueil et de sa joie, la malheureuse jeune femme en présentant une lettre à Milady. L'écriture de Madame de Chevreuse, se dit en elle-même Milady. Ah, j'étais sûre qu'elles avaient des intelligences de ce côté-là. Et elle lut avidement ces quelques lignes. Ma chère enfant, tenez-vous prête. Notre ami vous verra bientôt. Et il ne vous verra que pour vous arracher de la prison où votre sûreté exigeait que vous fussiez cachée. Préparez-vous donc au départ et ne désespérez jamais de nous. Notre charmant Gascon vient de se montrer brave et fidèle comme toujours. Dites-lui qu'on lui est bien reconnaissant quelque part de l'avis qu'il a donné. Oui, oui, dit Milady. Oui, la lettre est précise. Savez-vous quel est cet avis? Non. Je me doute seulement qu'il aura prévenu la reine de quelque nouvelle machination du cardinal. Oui, c'est cela sans doute, dit Milady, en rendant la lettre à Madame Bonacieux et en laissant retomber sa tête, pensive, sur sa poitrine. En ce moment, on entendit le galop d'un cheval. Oh! S'écria Madame Bonacieux en s'élançant à la fenêtre. Serait-ce déjà lui? Milady était restée couchée dans son lit, pétrifiée par la surprise. Tant de choses inattendues lui arrivaient tout à coup, que pour la première fois, la tête lui manquait. « Lui, lui, murmura-t-elle, serait-ce lui ?» Et elle demeurait dans son lit, les yeux fixes. « Hélas, non, dit Madame Bonacieux, c'est un homme que je ne connais pas, et qui cependant a l'air de venir ici. » Oui, il ralentit sa course. Il s'arrête à la porte. Il sonne. Milady sauta hors de son lit. « Vous êtes bien sûr que ce n'est pas lui ?» dit-elle. « Oh oui, bien sûr. »« Vous avez peut-être mal vu. »« Oh, je verrai la plume de son feutre, le bout de son manteau, que je le reconnaîtrai, lui. » Milady s'habillait toujours. « N'importe, cet homme vient ici, dites-vous. »« Oui, il est entré. » C'est ou pour vous, ou pour moi. Oh, mon Dieu, comme vous semblez agité. Oui, je l'avoue, je n'ai pas votre confiance, je crains tout du cardinal. Chut, dit Madame Bonacieux, on vient. Effectivement, la porte s'ouvrit, et la supérieure entra. Est-ce vous qui arrivez de Boulogne? Demanda-t-elle à Milady. Oui, c'est moi, répondit celle-ci, et tâchant de ressaisir son sang-froid. « Qui me demande ?»« Un homme qui ne veut pas dire son nom, mais qui vient de la part du cardinal. »« Et qui veut me parler ?» demanda Milady. « Qui veut parler à une dame arrivant de Boulogne ?»« Alors faites entrer, madame, je vous prie. »« Oh, mon Dieu !» dit Madame Bonacieux. « Serait-ce quelque mauvaise nouvelle ?»« J'en ai peur. »« Je vous laisse avec cet étranger, mais aussitôt son départ, si vous le permettez, je reviendrai. Comment donc, je vous en prie? La supérieure et Madame Bonacieux sortirent. Milady resta seule, les yeux fixés sur la porte. Un instant après, on entendit le bruit d'éperons qui retentissait sur les escaliers. Puis les pas se rapprochèrent, puis la porte s'ouvrit, et un homme parut. Milady jeta un cri de joie. Cet homme, c'était le comte de Rochefort. L'âme damnée de son éminence. Fin du chapitre 61. Chapitre 62 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer,

échangèrent un sourire et se séparèrent. Une heure après, Rochefort partit au grand galop de son cheval. 5 heures après, il passait à Arras. Nos lecteurs savent déjà comment il avait été reconnu par D'Artagnan, et comment cette reconnaissance, en inspirant des craintes aux 4 mousquetaires, avait donné une nouvelle activité à leur voyage. Fin du chapitre 62. Chapitre 63 des 3 mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les 3 mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 63. Une goutte d'eau. À peine Rochefort fut-il sorti que Madame Bonacieux rentra. Elle trouva Milady le visage riant. « Eh bien, dit la jeune femme, ce que vous craignez est donc arrivé. Ce soir ou demain, le cardinal vous envoie prendre. »« Oui, qui vous a dit cela, mon enfant ? » demanda Milady. « Je l'ai entendu de la bouche même du messager. »« Venez vous asseoir ici près de moi, dit Milady. »« Me voici. »« Attendez que je m'assure si personne ne nous écoute. »« Pourquoi toutes ces précautions ? » Vous allez le savoir. » Milady se leva et alla à la porte, l'ouvrit, regarda dans le corridor et revint se rasseoir près de Madame Bonacieux. « Alors, dit-elle, il a bien joué son rôle. »« Qui cela ? » ?»« Celui qui s'est présenté à l'abbesse comme l'envoyé du cardinal. » »« C'était donc un rôle qu'il jouait ? » ?»« Oui, mon enfant. » »« Cet homme n'est donc pas ?» Cet homme, dit Milady, en baissant la voix, c'est mon frère. Votre frère, s'écria Madame Bonacieux. Eh bien, il n'y a que vous qui sachiez ce secret, mon enfant. Si vous le confiez à qui que ce soit au monde, je serai perdu, et vous aussi peut-être. Oh mon Dieu! Écoutez, voici ce qui se passe. Mon frère, qui venait à mon secours pour m'enlever ici de force, s'il le fallait, a rencontré l'émissaire du cardinal qui venait me chercher. Il l'a suivi. Arrivé à un endroit du chemin solitaire et écarté, il a mis l'épée à la main en sommant le messager de lui remettre les papiers dont il était porteur. Le messager a voulu se défendre. Mon frère l'a tué. « Oh !» fit Madame Bonacieux en frissonnant. « C'était le seul moyen, songez-y. Alors mon frère a résolu de substituer la ruse à la force. Il a pris les papiers. Il s'est présenté ici, comme l'émissaire du cardinal lui-même. Et dans 1 heure ou 2, une voiture doit venir me prendre de la part de son éminence. Je comprends. Cette voiture, c'est votre frère qui vous l'envoie. Justement. Mais ce n'est pas tout. Cette lettre que vous avez reçue, et que vous croyez de Madame de Chevreuse. Eh bien, elle est fausse. Comment cela ? Oui, fausse. C'est un piège pour que vous ne fassiez pas de résistance quand on viendra vous chercher. Mais c'est D'Artagnan qui viendra. Détrompez-vous. D'Artagnan et ses amis sont retenus au siège de La Rochelle. Comment savez-vous cela? Mon frère a rencontré des émissaires du cardinal en habit de mousquetaire. On vous aurait appelé à la porte, vous auriez cru avoir affaire à des amis, on vous enlevait et on vous ramenait à Paris. Oh mon Dieu! Ma tête se perd au milieu de ce chaos d'iniquité. Je sens que si cela durait, continua Madame Bonacieux, en portant ses mains à son front, je deviendrai folle. Attendez. Quoi? J'entends le pas d'un cheval. C'est celui de mon frère qui repart. Je veux lui dire un dernier adieu, venez. Milady ouvrit la fenêtre et fit signe à Madame Bonacieux de l'y rejoindre. La jeune femme y alla. Rochefort passait au galop. Adieu, frère! S'écria Milady. Le chevalier leva la tête. Il vit les 2 jeunes femmes, et, tout courant, il fit à Milady un signe amical de la main. « Ce bon Georges, dit-elle en refermant la fenêtre, avec une expression de visage pleine d'affection et de mélancolie. Et elle revint s'asseoir à sa place, comme si elle eût été plongée dans des réflexions toutes personnelles. « Chère dame, dit Madame Bonacieux, pardon de vous interrompre, mais que me conseillez-vous de faire? Mon Dieu, vous avez plus d'expérience que moi. Parlez, je vous écoute. » D'abord, dit Milady, il se peut que je me trompe, et que D'Artagnan et ses amis viennent véritablement à votre secours. Oh, c'eût été trop beau, s'écria Madame Bonacieux, et tant de bonheur n'est pas fait pour moi. Alors vous comprenez, ce serait tout simplement une question de temps, une espèce de course à qui arrivera le premier. Si ce sont vos amis qui l'emportent en rapidité, vous êtes sauvés. Si ce sont les satellites du cardinal, vous êtes perdus. Oh oui, oui, perdus sans miséricorde. Que faire donc? Que faire? Il y aurait un moyen bien simple, bien naturel. Lequel, dites? Ce serait d'attendre, caché dans les environs, et de s'assurer ainsi quels sont les gens qui viendront vous demander. Mais où attendre? Oh, ceci n'est point une question. Moi-même, je m'arrête et je me cache à quelque lieu d'ici, en attendant que mon frère vienne me rejoindre. Eh bien, je vous emmène avec moi, nous nous cachons et nous attendons ensemble. Mais on ne me laissera pas partir, je suis ici presque prisonnière. Comme on croit que je pars sur un ordre du cardinal, on ne vous croira pas très pressé de me suivre. Eh bien? Eh bien, la voiture est à la porte. Vous me dites adieu. Vous montez sur le marchepied pour me serrer dans vos bras une dernière fois. Le domestique de mon frère qui vient me chercher est prévenu. Il fait un signe au postillon et nous partons au galop. Mais D'Artagnan, D'Artagnan, s'il vient! Ne le saurons-nous pas? Comment? Rien de plus facile. Nous renvoyons à Béthune ce domestique de mon frère, à qui, je vous l'ai dit, nous pouvons nous fier. Il prend un déguisement et se loge en face du couvent. Si ce sont les émissaires du cardinal qui viennent, il ne bouge pas. Si c'est M. D'Artagnan et ses amis, il les amène où nous sommes. Il les connaît donc? Sans doute. N'a-t-il pas vu M. D'Artagnan chez moi? Oh oui, oui, vous avez raison. Ainsi tout va bien, tout est pour le mieux. Mais ne nous éloignons pas d'ici. À 7 ou 8 lieues tout au plus. Nous nous tenons sur la frontière, par exemple, et à la première alerte, nous sortons de France. Et d'ici là, que faire? Attendre. Mais s'ils arrivent? La voiture de mon frère arrivera avant eux. Si je suis loin de vous quand on viendra vous prendre, à dîner ou à souper, par exemple. Faites une chose. Laquelle? Dites à votre bonne supérieure que, pour nous quitter le moins possible, vous lui demanderez la permission de partager mon repas. Le permettra-t-elle? Quel inconvénient y a-t-il à cela? Or, très bien. De cette façon, nous ne nous quitterons pas un instant. Eh bien, descendez chez elle pour lui faire votre demande. Je me sens la tête lourde. Je vais faire un tour au jardin. Allez, et où vous retrouverai-je? Ici, dans une heure. Ici, dans une heure. Oh, vous êtes bonne, et je vous remercie. Comment ne m'intéresse-je pas à vous? Quand vous ne seriez pas belle et charmante, n'êtes-vous pas l'amie d'un de mes meilleurs amis? Cher D'Artagnan, oh, comme il vous remerciera! Je l'espère bien. Allons, tout est convenu, descendons. Vous allez au jardin? Oui. Suivez ce corridor. Un petit escalier vous y conduit. À merveille, merci. Et les deux femmes se quittèrent en échangeant un charmant sourire. Milady avait dit la vérité. Elle avait la tête lourde, car ses projets mal classés s'y heurtaient comme dans un chaos. Elle avait besoin d'être seule pour mettre un peu d'ordre dans ses pensées. Elle voyait vaguement dans l'avenir, mais il lui fallait un peu de silence et de quiétude pour donner à toutes ses idées, encore confuses, une forme distincte, un plan arrêté. Ce qu'il y avait de plus pressé, c'était d'enlever Madame Bonacieux, de la mettre en lieu de sûreté, et là, le cas échéant, de s'en faire un otage. Milady commençait à redouter l'issue de ce duel terrible, où ses ennemis mettaient autant de persévérance qu'elle mettait, elle, d'acharnement. D'ailleurs, elle sentait, comme on sent venir un orage, que cette issue était proche et ne pouvait manquer d'être terrible. Le principal pour elle, comme nous l'avons dit, était donc de tenir Madame Bonacieux entre ses mains. Madame Bonacieux, c'était la vie de D'Artagnan. C'était plus que sa vie. C'était celle de la femme qu'il aimait. C'était, en cas de mauvaise fortune, un moyen de traiter et d'obtenir sûrement de bonnes conditions. Or, ce point était arrêté. Madame Bonacieux, sans défiance, la suivait. Une fois caché avec elle à Armentières, il était facile de lui faire croire que D'Artagnan n'était pas venu à Béthune. Dans 15 jours au plus, Rochefort serait de retour. Pendant ces 15 jours, d'ailleurs, elle aviserait à ce qu'elle aurait à faire pour se venger des 4 amis. Elle ne s'ennuierait pas, Dieu merci, car elle aurait le plus doux passe-temps que les événements pussent accorder à une femme de son caractère. Une bonne vengeance à perfectionner. Tout en rêvant, elle jetait les yeux autour d'elle et classait dans sa tête la topographie du jardin. Milady était comme un bon général, qui prévoit tout ensemble la victoire et la défaite, et qui est tout prêt, selon les chances de la bataille, à marcher en avant ou à battre en retraite. Au bout d'une heure, elle entendit une douce voix qui l'appelait. C'était celle de Madame Bonacieux. La bonne abbesse avait naturellement consenti à tout, et pour commencer, elles allaient souper ensemble. En arrivant dans la cour, elles entendirent le bruit d'une voiture qui s'arrêtait à la porte. « Entendez-vous ? » dit-elle. « Oui, le roulement d'une voiture. C'est celle que mon frère nous envoie. Oh, mon Dieu ! Voyons, du courage !» On sonna à la porte du couvent. Milady ne s'était pas trompée. « Montez dans votre chambre, » dit-elle à Madame Bonacieux. « Vous avez bien quelques bijoux que vous désirez emporter. »« J'ai ces lettres, » dit-elle. « Eh bien, allez les chercher et venez me rejoindre chez moi. Nous souperons à la hâte. Peut-être voyagerons-nous une partie de la nuit. Il faut prendre des forces. »« Grand Dieu !» dit Madame Bonacieux en mettant la main sur sa poitrine. « Le cœur m'étouffe. Je ne puis marcher. »« Du courage, allons, du courage. Pensez que dans un quart d'heure vous êtes sauvé, et songez que ce que vous allez faire, c'est pour lui que vous le faites. »« Oh oui, tout pour lui. Vous m'avez rendu mon courage par un seul mot. Allez, je vous rejoins. » Milady monta vivement chez elle. Elle y trouva le laquais de Rochefort et donna ses instructions. Il devait attendre à la porte. Si par hasard les mousquetaires passaient, la voiture partait au galop, faisait le tour du couvent et allait attendre Milady à un petit village qui était situé de l'autre côté du bois. Dans ce cas, Milady traversait le jardin et gagnait le village à pied. Nous l'avons déjà dit. Milady connaissait à merveille cette partie de la France. Si les mousquetaires ne paraissaient pas, les choses allaient comme il était prévu. Madame Bonacieux montait dans la voiture sous prétexte de lui dire adieu, et Milady enlevait Madame Bonacieux. Madame Bonacieux entra, et pour lui ôter tout soupçon, si elle en avait, Milady répéta devant elle, au laquais, toute la dernière partie de ses instructions. Milady fit quelques questions sur la voiture. C'était une chaise attelée de 3 chevaux, conduite par un postillon. Le laquais de Rochefort devait le précéder en courrier. C'était à tort que Milady craignait que Madame Bonacieux n'eût des soupçons. La pauvre jeune femme était trop pure pour soupçonner dans une autre femme une telle perfidie. D'ailleurs, le nom de la comtesse de Winter, qu'elle avait entendu prononcer par l'abbesse, lui était parfaitement inconnu, et elle ignorait même qu'une femme eût une part si grande et si fatale au malheur de sa vie. « Vous le voyez, » dit Milady, lorsque le laquais fut sorti, « tout est prêt. L'abbesse ne se doute de rien et croit qu'on me vient chercher de la part du cardinal. Cet homme va donner les derniers ordres. Prenez la moindre chose, buvez un doigt de vin et partons. » « Oui, » dit machinalement Madame Bonacieux. « Oui, partons. » Milady lui fit signe de s'asseoir devant elle, lui versa un petit verre de vin d'Espagne et lui servit un blanc de poulet. « Voyez, lui dit-elle, si tout ne nous seconde pas, voici la nuit qui vient. Au point du jour, nous serons arrivés dans notre retraite, et nul ne pourra se douter où nous sommes. Voyons, du courage, prenez quelque chose. » Madame Bonacieux mangea machinalement quelques bouchées et trempa ses lèvres dans son verre. allons donc, dit Milady, portant le sien à ses lèvres. Faites comme moi. » Mais au moment où elle l'approchait de sa bouche, sa main resta suspendue. Elle venait d'entendre sur la route comme le roulement lointain d'un galop qui allait s'approchant, puis, presque en même temps, il lui sembla entendre des hennissements de chevaux. Ce bruit la tira de sa joie comme un bruit d'orage réveille au milieu d'un beau rêve. Elle pâlit et courut à la fenêtre, tandis que Madame Bonacieux, se levant toute tremblante, s'appuyait sur sa chaise pour ne point tomber. On ne voyait rien encore, seulement on entendait le galop qui allait toujours se rapprochant. « Oh, mon Dieu !» dit Madame Bonacieux. « Qu'est-ce que ce bruit ?»« Celui de nos amis ou de nos ennemis, » dit Milady avec son sang-froid terrible. « Restez où vous êtes, je vais vous le dire. » Madame Bonacieux demeura debout, muette, immobile, et pâle comme une statue. Le bruit devenait plus fort. Les chevaux ne devaient pas être à plus de 150 pas. Si on ne les apercevait point encore, c'est que la route faisait un coude. Toutefois, le bruit devenait si distinct qu'on eût pu compter les chevaux par le bruit saccadé de leurs fers. Milady regardait de toute la puissance de son attention. Il faisait juste assez clair pour qu'elle pût reconnaître ceux qui venaient. Tout à coup, au détour d'un chemin, elle vit reluire des chapeaux galonnés et flotter des plumes. Elle compta deux, puis cinq, puis huit cavaliers. L'un d'eux précédait tous les autres de deux longueurs de cheval. Milady poussa un rugissement étouffé. Dans celui qui tenait la tête, elle reconnut D'Artagnan. « Oh, mon Dieu !» s'écria Madame Bonacieux. « Qu'y a-t-il donc ?»« C'est l'uniforme des gardes de Monsieur le cardinal. Pas un instant à perdre !» s'écria Milady. « Fuyons, fuyons !»« Oui, oui, fuyons !» répéta Madame Bonacieux, mais sans pouvoir faire un pas, clouée qu'elle était à sa place par la terreur. On entendit les cavaliers qui passaient sous la fenêtre. « Venez donc, mais venez donc !» s'écria Milady, en essayant de traîner la jeune femme par le bras. « Grâce au jardin, nous pouvons fuir encore. J'ai la clé, mais hâtons-nous. Dans 5 minutes, il serait trop tard. » Madame Bonacieux essaya de marcher, fit 2 pas, et tomba sur ses genoux. Milady essaya de la soulever et de l'emporter, mais elle ne put en venir à bout. En ce moment, on entendit le roulement de la voiture, qui, à la vue des mousquetaires, partait au galop. Puis, 3 ou 4 coups de feu retentirent. « Une dernière fois, voulez-vous venir ?» s'écria Milady. « Oh, mon Dieu, vous voyez bien que les forces me manquent. Vous voyez bien que je ne puis marcher. Fuyez seul. » Fuir seul, vous laisser ici? Oh non, jamais! » s'écria Milady. Tout à coup, un éclair livide jaillit de ses yeux. D'un bond, éperdue, elle courut à la table, versa dans le verre de Madame Bonacieux le contenu d'un chaton de bague qu'elle ouvrit avec une promptitude singulière. C'était un grain rougeâtre qui se fondit aussitôt. Puis, prenant le verre d'une main ferme, « Buvez, dit-elle. Ce vin vous donnera des forces. Buvez. » Et elle approcha le verre des lèvres de la jeune femme, qui but machinalement. « Ah, ce n'est pas ainsi que je voulais me venger, » dit Milady, en reposant avec un sourire infernal le verre sur la table. « Mais ma foi, on fait ce qu'on peut. » Et elle s'élança hors de l'appartement. Madame Bonacieux la regarda fuir sans pouvoir la suivre. Elle était comme ces gens qui rêvent, qu'on les poursuit et qui essaient vainement de marcher. Quelques minutes se passèrent, un bruit affreux retentissait à la porte. À chaque instant, Madame Bonacieux s'attendait à voir reparaître Milady, qui ne reparaissait pas. Plusieurs fois, de terreur sans doute, la sueur froide monta à son front brûlant. Enfin, elle entendit le grincement des grilles qu'on ouvrait, le bruit des bottes et des éperons retentit par les escaliers. Il se faisait un grand murmure de voix qui allait se rapprochant, et au milieu desquelles il lui semblait entendre prononcer son nom. Tout à coup, elle jeta un grand cri de joie et s'élança vers la porte. Elle avait reconnu la voix de D'Artagnan. « D'Artagnan, D'Artagnan » s'écria-t-elle. « Est-ce vous ? Par ici, par ici !»« Constance, Constance !» répondit le jeune homme. « Où êtes-vous, mon Dieu ?» Au même moment, la porte de la cellule céda au choc plutôt qu'elle ne s'ouvrit. Plusieurs hommes se précipitèrent dans la chambre. Madame Bonacieux était tombée dans un fauteuil sans pouvoir faire un mouvement. D'Artagnan jeta un pistolet encore fumant qu'il tenait à la main et tomba à genoux devant sa maîtresse. Athos repassa le sien à sa ceinture. Porthos et Aramis, qui tenaient leurs épées nues, les remirent au fourreau. « Oh, D'Artagnan, mon bien-aimé D'Artagnan, tu viens donc enfin. Tu ne m'avais pas trompé, c'est bien toi. Oui, oui, Constance, réunis. Oh, elle avait beau dire que tu ne viendrais pas. J'espérais sourdement. Je n'ai pas voulu fuir. Oh, comme j'ai bien fait, comme je suis heureuse. » À ce mot, elle, Athos, qui s'était assis tranquillement, se leva tout à coup. « Elle ? Qui elle ? » demanda D'Artagnan. « Mais ma compagne, celle qui, par amitié pour moi, voulait me soustraire à mes persécuteurs, celle qui, vous prenant pour des gardes du cardinal, vient de s'enfuir. » « Votre compagne ! » s'écria D'Artagnan, devenant plus pâle que le voile blanc de sa maîtresse. « De quelle compagne voulez-vous donc parler ?»« De celle dont la voiture était à la porte, d'une femme qui se dit votre amie D'Artagnan, d'une femme à qui vous avez tout raconté. »« Son nom ! Son nom ! » s'écria D'Artagnan. « Mon Dieu ! Ne savez-vous donc pas son nom ?»« Si fait, on l'a prononcé devant moi. Attendez. Mais c'est étrange. Oh, mon Dieu, ma tête se trouble. Je n'y vois plus. »« À moi, mes amis, à moi ! « Ses mains sont glacées !» s'écria D'Artagnan. « Elle se trouve mal. Grand Dieu, elle perd connaissance !» Tandis que Porthos appelait au secours de toute la puissance de sa voix, Aramis courut à la table pour prendre un verre d'eau. Mais il s'arrêta, en voyant l'horrible altération du visage d'Athos, qui, debout devant la table, les cheveux hérissés, les yeux glacés de stupeur, regardait l'un des verres et semblait en proie au doute le plus terrible. « Oh !» disait Athos, « oh non, c'est impossible. Dieu ne permettrait pas un pareil crime. »« De l'eau, de l'eau !» criait D'Artagnan, « de l'eau !»« Pauvre femme !» murmurait Athos d'une voix brisée. Madame Bonacieux rouvrit les yeux sous les baisers de D'Artagnan. « Elle revient à elle !» s'écria le jeune homme. « Oh mon Dieu ! Mon Dieu, je te remercie !» « Madame, dit Athos, madame, au nom du ciel, à qui ce verre vide ?»« À moi, monsieur, répondit la jeune femme d'une voix mourante. « Mais qui vous a versé ce vin qui était dans ce verre ?»« Elle. Mais qui donc elle ?»« Ah, oh, je me souviens, dit madame Bonacieux, la comtesse de Winter. » Les quatre amis poussèrent un seul et même cri, mais celui d'Athos domina tous les autres. En ce moment, le visage de madame Bonacieux devint livide. Une douleur sourde la terrassa. Elle tomba haletante dans les bras de Porthos et d'Aramis. D'Artagnan saisit les mains d'Athos avec une angoisse difficile à décrire. « Et quoi, dit-il, tu crois ?» Sa voix s'éteignit dans un sanglot. « Je crois tout, dit Athos, en se mordant les lèvres jusqu'au sang. « D'Artagnan, D'Artagnan !» s'écria madame Bonacieux. « Où es-tu ? Ne me quitte pas. Tu vois bien que je vais mourir. » D'Artagnan lâcha les mains d'Athos, qu'il tenait encore entre ses mains crispées, et courut à elle. Son visage si beau était tout bouleversé. Ses yeux vitreux n'avaient déjà plus de regard. Un tremblement convulsif agitait son corps. La sueur coulait sur son front. « Au nom du ciel, courez appeler. Porthos, Aramis, demandez du secours. »« Inutile, dit Athos, inutile. Au poison qu'elle verse, il n'y a pas de contre-poison. »« Oui, oui, du secours, murmura madame Bonacieux, du secours. » Puis, rassemblant toutes ses forces, elle prit la tête du jeune homme entre ses deux mains, le regarda un instant comme si toute son âme était passée dans son regard, et avec un cri sanglotant, elle appuya ses lèvres sur les siennes. « Constance ! Constance ! » s'écria d'Artagnan. Un soupir s'échappa de la bouche de Madame Bonacieux, effleurant celle de d'Artagnan. Ce soupir, c'était cette âme si chaste et si aimante qui remontait au ciel. D'Artagnan ne serrait plus qu'un cadavre entre ses bras. Le jeune homme poussa un cri et tomba près de sa maîtresse, aussi pâle et aussi glacé qu'elle. Porthos pleura. Aramis montra le poing au ciel. Athos fit le signe de la croix. En ce moment, un homme parut sur la porte, presque aussi pâle que ceux qui étaient dans la chambre, et regarda tout autour de lui, vit Madame Bonacieux morte et d'Artagnan évanoui. Il apparaissait juste à cet instant de stupeur qui suit les grandes catastrophes. « Je ne m'étais pas trompé, dit-il. Vois cela, monsieur d'Artagnan, et vous êtes ses trois amis, messieurs Athos, Porthos et Aramis. » Ceux dont les noms venaient d'être prononcés regardaient l'étranger avec étonnement. Il leur semblait à tous trois le reconnaître. « Messieurs, reprit le nouveau venu, vous êtes comme moi à la recherche d'une femme qui, ajouta-t-il avec un sourire terrible, a dû passer par ici, car j'y vois un cadavre. » Les trois amis restèrent muets. Seulement, la voix comme le visage leur rappelait un homme qu'ils avaient déjà vu. Cependant, ils ne pouvaient se souvenir dans quelles circonstances. « Messieurs, continua l'étranger, puisque vous ne voulez pas reconnaître un homme qui, probablement, vous doit la vie deux fois, il faut bien que je me nomme. Je suis Lord de Winter, le beau-frère de cette femme. » Les trois amis jetèrent un cri de surprise. Athos se leva et lui tendit la main. « Soyez le bienvenu, milord, dit-il. Vous êtes des nôtres. » « Je suis parti 5 heures après elle de Portsmouth, dit Lord de Winter. Je suis arrivé 3 heures après elle à Boulogne. Je l'ai manqué de 20 minutes à Saint-Omer. Enfin, à Lillé, j'ai perdu sa trace. J'allais au hasard, m'informant à tout le monde, quand je vous ai vu passer au galop. J'ai reconnu M. d'Artagnan. Je vous ai appelé, vous ne m'avez pas répondu. J'ai voulu vous suivre, mais mon cheval était trop fatigué pour aller du même train que les vôtres. Et cependant, il paraît que malgré la diligence que vous avez faite, vous êtes encore arrivé trop tard. « Vous voyez, dit Athos, en montrant à Lord de Winter Madame Bonacieux morte et d'Artagnan, que Porthos et Aramis essayaient de rappeler à la vie. « Sont-ils donc morts tous deux ? » demanda froidement Lord de Winter. « Non, heureusement, répondit Athos. Monsieur d'Artagnan n'est qu'évanoui. « Ah, tant mieux, dit Lord de Winter. » En effet, en ce moment, d'Artagnan rouvrit les yeux. Il s'arracha des bras de Porthos et d'Aramis et se jeta comme un insensé sur le corps de sa maîtresse. Athos se leva, marcha vers son ami d'un pas lent et solennel, l'embrassa tendrement, et comme il éclatait en sanglots, lui dit de sa voix si noble et si persuasive, « Ami, sois homme. Les femmes pleurent les morts, les hommes les vengent. »« Oh oui, dit d'Artagnan, oui, si c'est pour la venger, je suis prêt à te suivre. » Athos profita de ce moment de force que l'espoir de la vengeance rendait à son malheureux ami, pour faire signe à Porthos et à Aramis d'aller chercher la supérieure. Les deux amis la rencontrèrent dans le corridor, encore toute troublée et tout éperdue de tant d'événements. Elle appela quelques religieuses, qui, contre toutes les habitudes monastiques, se trouvèrent en présence de 5 hommes. « Madame, dit Athos, en passant le bras de d'Artagnan sous le sien, nous abandonnons à vos soins pieux le corps de cette malheureuse femme. Ce fut un ange sur la terre avant d'être un ange au ciel. Traitez-la comme une de vos sœurs. Nous reviendrons un jour prier sur sa tombe. » D'Artagnan cacha sa figure dans la poitrine d'Athos et éclata en sanglots. Pleure, dit Athos, pleure, cœur plein d'amour, de jeunesse et de vie. Hélas, je voudrais bien pouvoir pleurer comme toi. » Et il entraîna son ami, affectueux comme un père, consolant comme un prêtre, grand comme l'homme qui a beaucoup souffert. Tous cinq, suivis de leurs valets, tenant leurs chevaux par la bride, s'avancèrent vers la ville de Béthune, dont on apercevait le faubourg, et ils s'arrêtèrent devant la première auberge qu'ils rencontrèrent. « Mais, dit D'Artagnan, ne poursuivons-nous pas cette femme ?»« Plus tard, dit Athos, j'ai des mesures à prendre. »« Elle nous échappera, reprit le jeune homme. Elle nous échappera, Athos, et ce sera ta faute. »« Je réponds d'elle, dit Athos. » D'Artagnan avait une telle confiance dans la parole de son ami qu'il baissa la tête et entra dans l'auberge sans rien répondre. Porthos et Aramis se regardaient, ne comprenant rien à l'assurance d'Athos. Lord de Winter croyait qu'il parlait ainsi pour engourdir la douleur de D'Artagnan. « Maintenant, messieurs, dit Athos, lorsqu'il se fut assuré qu'il y avait 5 chambres de libre dans l'hôtel, retirons-nous chacun chez soi. D'Artagnan a besoin d'être seul pour pleurer, et vous pour dormir. Je me charge de tout. Soyez tranquille. » « Il me semble cependant, dit Lord de Winter, que s'il y a quelques mesures à prendre contre la comtesse, cela me regarde, c'est ma belle-sœur. » « Et moi, dit Athos, c'est ma femme. » D'Artagnan tressaillit, car il comprit qu'Athos était sûr de sa vengeance, puisqu'il révélait un pareil secret. Porthos et Aramis se regardèrent en pâlissant. Lord de Winter pensa qu'Athos était fou. « Retirez-vous donc, dit Athos, et laissez-moi faire. Vous voyez bien qu'en ma qualité de mari, cela me regarde. Seulement, D'Artagnan, si vous ne l'avez pas perdu, remettez-moi ce papier qui s'est échappé du chapeau de cet homme et sur lequel est écrit le nom de la ville. » « Ah, dit D'Artagnan, je comprends. Ce nom écrit de sa main. » « Tu vois bien, dit Athos, qu'il y a un Dieu dans le ciel. » Fin du chapitre 63. Chapitre 64 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J. C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 64. L'homme au manteau rouge. Le désespoir d'Athos avait fait place à une douleur concentrée, qui rendait plus lucide encore les brillantes facultés d'esprit de cet homme. Tout entier à une seule pensée, celle de la promesse qu'il avait faite et de la responsabilité qu'il avait prise, il se retira le dernier dans sa chambre, pria l'hôte de lui procurer une carte de la province, se courba dessus, interrogea les lignes tracées, reconnut que 4 chemins différents se rendaient de Béthune à Armentières, et fit appeler les valets. Planchet, Grimaud, Mousqueton et Bazin se présentèrent et reçurent les ordres clairs, ponctuels et graves d'Athos. Il devait partir au point du jour, le lendemain, et se rendre à Armentières, chacun par une route différente. Planchet, le plus intelligent des 4, devait suivre celle par laquelle avait disparu la voiture sur laquelle les 4 amis avaient tiré, et qui était accompagnée, on se le rappelle, du domestique de Rochefort. Athos mit les valets en campagne d'abord, parce que, depuis que ces hommes étaient à son service et à celui de ses amis, il avait reconnu en chacun d'eux des qualités différentes et essentielles. Puis, des valets qui interrogent inspirent aux passants moins de défiance que leur maître, et trouvent plus de sympathie chez ceux auxquels ils s'adressent. Enfin, Milady connaissait les maîtres, tandis qu'elle ne connaissait pas les valets. Au contraire, les valets, connaissait parfaitement Milady. Tous quatre devaient se trouver réunis le lendemain, à 11 heures, à l'endroit indiqué. S'ils avaient découvert la retraite de Milady, trois resteraient à la garder. Le quatrième reviendrait à Béthune pour prévenir Athos et servir de guide aux quatre amis. Ces dispositions prises, les valets se retirèrent à leur tour. Athos alors se leva de sa chaise, ceignit son épée, s'enveloppa dans son manteau et sortit de l'hôtel. Il était 10 heures à peu près. À 10 heures du soir, on le sait, en province les rues sont peu fréquentées. Athos cependant cherchait visiblement quelqu'un à qui il eût pu adresser une question. Enfin, il rencontra un passant attardé, s'approcha de lui, lui dit quelques paroles. L'homme auquel il s'adressa recula avec terreur. Cependant, il répondit aux paroles du mousquetaire par une indication. Athos offrit à cet homme une demi-pistole pour l'accompagner, mais l'homme refusa. Athos s'enfonça dans la rue que l'indicateur avait désignée du doigt. Mais arrivé à un carrefour, il s'arrêta de nouveau, visiblement embarrassé. Cependant, comme plus qu'aucun autre lieu, le carrefour lui offrait la chance de rencontrer quelqu'un, il s'y arrêta. En effet, au bout d'un instant, un veilleur de nuit passa. Athos lui répéta la même question qu'il avait déjà faite à la première personne qu'il avait rencontrée. Le veilleur de nuit laissa apercevoir la même terreur, refusa à son tour d'accompagner Athos et lui montra de la main le chemin qu'il devait suivre. Athos marcha dans la direction indiquée et atteignit le faubourg situé à l'extrémité de la ville opposée à celle par laquelle lui et ses compagnons étaient entrés. Là, il parut de nouveau inquiet et embarrassé, et s'arrêta pour la troisième fois. Heureusement, un mendiant passa, qui s'approcha d'Athos pour lui demander l'aumône. Athos lui proposa un écu pour l'accompagner où il allait. Le mendiant hésita un instant, mais à la vue de la pièce d'argent qui brillait dans l'obscurité, il se décida et marcha devant Athos. Arrivé à l'angle d'une rue, il lui montra de loin une petite maison isolée, solitaire, triste. Athos s'en approcha, tandis que le mendiant, qui avait reçu son salaire, s'en éloignait à toutes jambes. Athos en fit le tour, avant de distinguer la porte au milieu de la couleur rougeâtre dont cette maison était peinte. Aucune lumière ne passait à travers les gerçures des contrevents, aucun bruit ne pouvait faire supposer qu'elle fût habitée. Elle était sombre et muette comme un tombeau. Trois fois, Athos frappa sans qu'on lui répondît. Au troisième coup, cependant, des pas intérieurs se rapprochèrent. Enfin, la porte s'entrebâilla, et un homme de haute taille, au teint pâle, aux cheveux et à la barbe noire, parut. Athos et lui échangèrent quelques mots à voix basse. Puis, l'homme à la haute taille fit signe au mousquetaire qu'il pouvait entrer. Athos profita à l'instant même de la permission, et la porte se referma derrière lui. L'homme qu'Athos était venu chercher si loin, et qu'il avait trouvé avec tant de peine, le fit entrer dans son laboratoire, où il était occupé à retenir avec des fils de fer les os cliquetants d'un squelette. Tout le corps était déjà rajusté. La tête seule était posée sur une table. Tout le reste de l'ameublement indiquait que celui chez lequel on se trouvait s'occupait de sciences naturelles. Il y avait des bocaux pleins de serpents, étiquetés selon les espèces. Des lézards desséchés reluisaient comme des émeraudes taillées dans de grands cadres de bois noir. Enfin, des bottes d'herbes sauvages, odoriférantes et sans doute vouées de vertus inconnues aux vulgaires des hommes, étaient attachées au plafond et descendaient dans les angles de l'appartement. Du reste, pas de famille, pas de serviteurs. L'homme à la haute taille habitait seul cette maison. Athos jeta un coup d'œil froid et indifférent sur tous les objets que nous venons de décrire, et sur l'invitation de celui qu'il venait chercher, il s'assit près de lui. Alors, il lui expliqua la cause de sa visite, et le service qu'il réclamait de lui. Mais à peine eut-il exposé sa demande que l'inconnu, qui était resté debout devant le mousquetaire, recula de terreur et refusa. Alors, Athos tira de sa poche un petit papier sur lequel étaient écrites deux lignes accompagnées d'une signature et d'un sceau, et le présenta à celui qui donnait trop prématurément ses signes de répugnance. L'homme à la grande taille eut à peine lu ces deux lignes, vu la signature et reconnu le sceau, qu'il s'inclina, en signe qu'il n'avait plus aucune objection à faire, et qu'il était prêt à obéir. Athos n'en demanda pas davantage. Il se leva, salua, sortit, reprit en s'en allant le chemin qu'il avait suivi pour venir, rentra dans l'hôtel et s'enferma chez lui. Au point du jour, D'Artagnan entra dans sa chambre et demanda ce qu'il fallait faire. « Attendre, » répondit Athos. Quelques instants après, la supérieure du couvent fit prévenir les mousquetaires que l'enterrement de la victime de Milady aurait lieu à midi. Quant à l'empoisonneuse, on n'en avait pas eu de nouvelles. Seulement, elle avait dû fuir par le jardin, sur le sable duquel on avait reconnu la trace de ses pas, et dont on avait retrouvé la porte fermée. Quant à la clé, elle avait disparu. À l'heure indiquée, Lord de Winter et les quatre amis se rendirent au couvent. Les cloches sonnaient à toute volée, la chapelle était ouverte, la grille du chœur était fermée. Au milieu du chœur, le corps de la victime, revêtu de ses habits de novice, était exposé. De chaque côté du chœur, et derrière des grilles s'ouvrant sur le couvent, était toute la communauté des carmélites, qui écoutait de là le service divin et mêlait son chant au chant des prêtres, sans voir les profanes et sans être vu d'eux. À la porte de la chapelle, D'Artagnan sentit son courage qui fuyait de nouveau. Il se retourna pour chercher Athos, mais Athos avait disparu. Fidèle à sa mission de vengeance, Athos s'était fait conduire au jardin, et là, sur le sable, suivant les pas légers de cette femme qui avait laissé une trace sanglante partout où elle avait passé, il s'avança jusqu'à la porte qui donnait sur le bois, se la fit ouvrir et s'enfonça dans la forêt. Alors, tous ses doutes se confirmèrent. Le chemin par lequel la voiture avait disparu contournait la forêt. Athos suivit le chemin quelque temps, les yeux fixés sur le sol. De légères taches de sang, qui provenaient d'une blessure faite ou à l'homme qui accompagnait la voiture en courrier, ou à l'un des chevaux, piquetaient le chemin. Au bout de trois quarts de lieue à peu près, à 50 pas de Festubert, une tache de sang plus large apparaissait. Le sol était piétiné par les chevaux. Entre la forêt et cet endroit dénonciateur, un peu en arrière de la terre écorchée, on retrouvait la même trace de petits pas que dans le jardin. La voiture s'était arrêtée. En cet endroit, Milady était sortie du bois et était montée dans la voiture. Satisfait de cette découverte qui confirmait tous ses soupçons, Athos revint à l'hôtel et trouva Planchet qui l'attendait avec impatience. Tout était comme l'avait prévu Athos. Planchet avait suivi la route, avait comme Athos remarqué les taches de sang. Comme Athos, il avait reconnu l'endroit où les chevaux s'étaient arrêtés, mais il avait poussé plus loin qu'Athos, de sorte qu'au village de Festubert, en buvant dans une auberge, il avait, sans avoir eu besoin de questionner, après que la veille, à 8h30 du soir, un homme blessé qui accompagnait une dame qui voyageait dans une chaise de poste avait été obligé de s'arrêter, ne pouvant aller plus loin. L'accident avait été mis sur le compte de voleurs qui auraient arrêté la chaise dans le bois. L'homme était resté dans le village, la femme avait relayé et continué son chemin. Planchet se mit en quête du postillon qui avait conduit la chaise et le retrouva. Il avait conduit la dame jusqu'à Fromelles, et de Fromelles, elle était partie pour Armentières. Planchet prit la traverse, et à 7 heures du matin, il était à Armentières. il n'y avait qu'un seul hôtel, celui de la poste. Planchet alla s'y présenter comme un laquais sans place qui cherchait une condition. Il n'avait pas causé 10 minutes avec les gens de l'auberge qu'il savait qu'une femme seule était arrivée à 11 heures du soir, avait pris une chambre, avait fait venir le maître d'hôtel et lui avait dit qu'elle désirerait demeurer quelque temps dans les environs. Planchet n'avait pas besoin d'en savoir davantage. Il courut au rendez-vous, trouva les 3 laquais exacts à leur poste, les plaça en sentinelle à toutes les issues de l'hôtel et vint trouver Athos, qui achevait de recevoir les renseignements de Planchet lorsque ses amis rentrèrent. Tous les visages étaient sombres et crispés, même le doux visage d'Aramis. « Que faut-il faire ? » demanda d'Artagnan. « Attendre, » répondit Athos. Chacun se retira chez soi. À 8 heures du soir, Athos donna l'ordre de seller les chevaux et fit prévenir Lord de Winter et ses amis qu'ils eussent à se préparer pour l'expédition. En un instant, tous 5 furent prêts. Chacun visita ses armes et les mit en état. Athos descendit le premier et trouva d'Artagnan déjà à cheval et s'impatientant. « Patience, » dit Athos, « il nous manque encore quelqu'un. » Les 4 cavaliers regardèrent autour d'eux avec étonnement, car ils cherchaient inutilement dans leur esprit quel était ce quelqu'un qui pouvait leur manquer. En ce moment, Planchet amena le cheval d'Athos, le mousquetaire sauta légèrement en selle. « Attendez-moi, » dit-il, « je reviens. » Et il partit au galop. Un quart d'heure après, il revint effectivement accompagné d'un homme masqué et enveloppé d'un grand manteau rouge. Lord de Winter et les 3 mousquetaires s'interrogèrent du regard. Nul d'entre eux ne put renseigner les autres, car tous ignoraient ce qu'était cet homme. Cependant, ils pensèrent que cela devait être ainsi, puisque la chose se faisait par l'ordre d'Athos. À 9 heures, guidée par Planchet, la petite cavalcade se mit en route, prenant le chemin qu'avait suivi la voiture. C'était un triste aspect que celui de ces 6 hommes, courant en silence, plongés chacun dans sa pensée, morne comme le désespoir, sombre comme le châtiment. Fin du chapitre 64. Chapitre 65 des 3 mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouin. Les 3 mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 65. Le jugement. C'était une nuit orageuse et sombre. De gros nuages couraient au ciel, voilant la clarté des étoiles. La lune ne devait se lever qu'à minuit. Parfois, à la lueur d'un éclair qui brillait à l'horizon, on apercevait la route qui se déroulait, blanche et solitaire. Puis, l'éclair éteint, tout rentrait dans l'obscurité. À chaque instant, Athos invitait d'Artagnan, toujours à la tête de la petite troupe, à reprendre son rang qu'au bout d'un instant il abandonnait de nouveau. Il n'avait qu'une pensée, c'était d'aller en avant, et il allait. On traversa en silence le village de Festubert, où était resté le domestique blessé. Puis on longea le bois de Richebourg. Arrivés à Irly, Planchet, qui dirigeait toujours la colonne, prit à gauche. Plusieurs fois, Lord de Winter, soit Porthos, soit Aramis, avait essayé d'adresser la parole à l'homme au manteau rouge. Mais à chaque interrogation qui lui avait été faite, il s'était incliné sans répondre. Les voyageurs avaient alors compris qu'il y avait quelque raison pour que l'inconnu gardât le silence, et ils avaient cessé de lui adresser la parole. D'ailleurs, l'orage grossissait, les éclairs se succédaient rapidement, le tonnerre commençait à gronder, et le vent, précurseur de l'ouragan, sifflait dans la plaine, agitant les plumes des cavaliers. La cavalcade prit le grand trot. Un peu au-delà de Fromelles, l'orage éclata. On déploya les manteaux. Il restait encore 3 lieues à faire. On les fit sous des torrents de pluie. D'Artagnan avait ôté son feutre et n'avait pas mis son manteau. Il trouvait plaisir à laisser ruisseler l'eau sur son front brûlant et sur son corps agité de frissons fiévreux. Au moment où la petite troupe avait dépassé Grosse-Colle et allait arriver à la poste, un homme abrité sous un arbre se détacha du tronc avec lequel il était resté confondu dans l'obscurité et s'avança jusqu'au milieu de la route, mettant son doigt sur ses lèvres. Athos reconnut Grimaud. « Qu'a-t-il donc ? » s'écria d'Artagnan. « Aurait-elle quitté Armentières ?» Grimaud fit de sa tête un signe affirmatif. D'Artagnan grinça des dents. « Silence, d'Artagnan, » dit Athos. « C'est moi qui me suis chargé de tout. C'est donc à moi d'interroger Grimaud. »« Où est-elle ? » demanda Athos. Grimaud étendit la main dans la direction de la Lys. « Loin d'ici ? » demanda Athos. Grimaud présenta à son maître son index plié. « Seul ? » demanda Athos. Grimaud fit signe que oui. « Messieurs, dit Athos, elle est seule à 1/2 lieue d'ici, dans la direction de la rivière. »« C'est bien, dit D'Artagnan. Conduis-nous, Grimaud. » Grimaud prit à travers champs et servit de guide à la cavalcade. Au bout de 500 pas à peu près, on trouva un ruisseau que l'on traversa à gué. À la lueur d'un éclair, on aperçut le village d'Erkingham. « Est-ce là ? » demanda D'Artagnan. Grimaud secoua la tête en signe de négation. « Silence donc, » dit Athos. Et la troupe continua son chemin. Un autre éclair brilla. Grimaud étendit le bras, et à la lueur bleuâtre du serpent de feu, on distingua une petite maison isolée, au bord de la rivière, à 100 pas d'un bac. Une fenêtre était éclairée. « Nous y sommes, » dit Athos. En ce moment, un homme couché dans le fossé se leva. C'était Mousqueton. Il montra du doigt la fenêtre éclairée. « Elle est là, » dit-il. « Et Bazin ?» demanda Athos. « Tandis que je gardais la fenêtre, il gardait la porte. « Bien, » dit Athos. « Vous êtes tous de fidèles serviteurs. » Athos sauta à bas de son cheval, dont il remit la bride aux mains de Grimaud, et s'avança vers la fenêtre après avoir fait signe au reste de la troupe de tourner du côté de la porte. La petite maison était entourée d'une haie vive de 2 ou 3 pieds de haut. Athos franchit la haie, parvint jusqu'à la fenêtre privée de contrevent, mais dont les demi-rideaux étaient exactement tirés. Il monta sur le rebord de pierre, afin que son œil pût dépasser la hauteur des rideaux. À la lueur d'une lampe, il vit une femme enveloppée d'une mante de couleur sombre, assise sur un escabeau, près d'un feu mourant. Ses coudes étaient posés sur une mauvaise table, et elle appuyait sa tête dans ses 2 mains blanches comme l'ivoire. On ne pouvait distinguer son visage, mais un sourire sinistre passa sur les lèvres d'Athos. Il n'y avait pas à s'y tromper. C'était bien celle qu'il cherchait. En ce moment, un cheval hennit. Milady releva la tête, vit, collé à la vitre, le visage pâle d'Athos, et poussa un cri. Athos comprit qu'il était reconnu, poussa la fenêtre du genou et de la main. La fenêtre céda. Les carreaux se rompirent. Et Athos, pareil au spectre de la vengeance, sauta dans la chambre. Milady courut à la porte et l'ouvrit. Plus pâle et plus menaçant encore qu'Athos, D'Artagnan était sur le seuil. Milady recula en poussant un cri. D'Artagnan, croyant qu'elle avait quelque moyen de fuir et craignant qu'elle ne leur échappât, tira un pistolet de sa ceinture. Mais Athos leva la main. « Remets cette arme à sa place, D'Artagnan, dit-il. Il importe que cette femme soit jugée et non assassinée. Attends encore un instant, D'Artagnan, et tu seras satisfait. Entrez, messieurs. » D'Artagnan obéit, car Athos avait la voix solennelle et le geste puissant d'un juge envoyé par le Seigneur lui-même. Aussi, derrière D'Artagnan, entrèrent Porthos, Aramis, Lord de Winter et l'homme au manteau rouge. Les quatre valets gardaient la porte et la fenêtre. Milady était tombée sur sa chaise, les mains étendues, comme pour conjurer cette terrible apparition. En apercevant son beau-frère, elle jeta un cri terrible. « Que demandez-vous ? » s'écria Milady. « Nous demandons, dit Athos, Charlotte Baxon, qui s'est appelée d'abord la comtesse de la Fère, puis Lady de Winter, baronne de Sheffield. « c'est moi, » murmura-t-elle, au comble de la terreur. « Que me voulez-vous ? » « Nous voulons vous juger selon vos crimes, » dit Athos. « Vous serez libre de vous défendre. Justifiez-vous si vous pouvez. « Monsieur D'Artagnan, à vous d'accuser le premier. » D'Artagnan s'avança. « Devant Dieu et devant les hommes, » dit-il, « j'accuse cette femme d'avoir empoisonné Constance Bonacieux, morte hier soir. » Il se retourna vers Porthos et vers Aramis. « Nous attestons, » dirent d'un seul mouvement les deux mousquetaires. D'Artagnan continua. « Devant Dieu et devant les hommes, j'accuse cette femme d'avoir voulu m'empoisonner moi-même, dans du vin qu'elle m'avait envoyé de Villeroy, avec une fausse lettre, comme si le vin venait de mes amis. Dieu m'a sauvé, mais un homme est mort à ma place, qui s'appelait Brisemont. » « Nous attestons, » dirent de la même voix Porthos et Aramis. « Devant Dieu et devant les hommes, j'accuse cette femme de m'avoir poussé au meurtre du baron de Wardes, et comme personne n'est là pour attester la vérité de cette accusation, je l'atteste moi. » J'ai dit. Et D'Artagnan passa de l'autre côté de la chambre avec Porthos et Aramis. « À vous, milord, » dit Athos. Le baron s'approcha à son tour. « Devant Dieu et devant les hommes, » dit-il, « j'accuse cette femme d'avoir fait assassiner le duc de Buckingham. » « Le duc de Buckingham assassiné ? » s'écrièrent d'un seul cri tous les assistants. « Oui, dit le baron, assassiné. Sur la lettre d'avis que vous m'aviez écrite, j'avais fait arrêter cette femme, et je l'avais donnée en garde à un loyal serviteur. Elle a corrompu cet homme, elle lui a mis le poignard dans la main, elle lui a fait tuer le duc, et dans ce moment, peut-être, Felton paie de sa tête le crime de cette furie. » Un frémissement courut parmi les juges à la révélation de ces crimes encore inconnus. « Ce n'est pas tout, » reprit Lord de Winter. « Mon frère, qui vous avait faite son héritière, est mort en 3 heures d'une étrange maladie qui laisse des taches livides sur tout le corps. Ma sœur, comment votre mari est-il mort ?»« Horreur !» s'écrièrent Porthos et Aramis. « Assassin de Buckingham, assassin de Felton, assassin de mon frère, je demande justice contre vous, et je déclare que si on ne me la fait pas, je me la ferai. » Et Lord de Winter alla se ranger près de D'Artagnan, laissant la place libre à un autre accusateur. Milady laissa tomber son front dans ses deux mains et essaya de rappeler ses idées confondues par un vertige mortel. « À mon tour, » dit Athos, tremblant lui-même, comme le lion tremble à l'aspect du serpent. « À mon tour. J'épousai cette femme quand elle était jeune fille. Je l'épousai, malgré toute ma famille. Je lui donnai mon bien, je lui donnai mon nom. Et un jour, je m'aperçus que cette femme était flétrie. Cette femme était marquée d'une fleur de lys sur l'épaule gauche. » « Or, » dit Milady en se levant, « je défie de retrouver le tribunal qui a prononcé sur moi cette sentence infâme. Je défie de retrouver celui qui l'a exécutée. »« Silence !» dit une voix. « À ceci, c'est à moi de répondre. » Et l'homme, au manteau rouge, s'approcha à son tour. « Quel est cet homme ? Quel est cet homme ? » s'écria Milady, suffoquée par la terreur et dont les cheveux se dénouèrent et se dressèrent sur sa tête livide comme s'ils eussent été vivants. Tous les yeux se tournèrent sur cet homme, car à tous, excepté à Athos, il était inconnu. Encore, Athos le regardait-il avec autant de stupéfaction que les autres, car il ignorait comment il pouvait se trouver mêlé en quelque chose à l'horrible drame qui se dénouait en ce moment. Après s'être approché de Milady, d'un pas lent et solennel, de manière que la table seule le sépara d'elle, l'inconnu ôta son masque. Milady regarda quelque temps avec une terreur croissante ce visage pâle encadré de cheveux et de favoris noirs, dont la seule expression était une impassibilité glacée. Puis, tout à coup, « Oh non, non !» dit-elle en se levant et en reculant jusqu'au mur. « Non, non, c'est une apparition infernale. Ce n'est pas lui. À moi ! À moi !» s'écria-t-elle d'une voix rauque en se retournant vers la muraille, comme si elle eût pu s'y ouvrir un passage avec ses mains. « Mais qui êtes-vous donc ? » s'écrièrent tous les témoins de cette scène. « Demandez-le à cette femme, » dit l'homme au manteau rouge, « car vous voyez bien qu'elle m'a reconnue, elle. »« Le bourreau de Lille ! Le bourreau de Lille !» s'écria Milady, en proie à une terreur insensée et se cramponnant des mains à la muraille pour ne pas tomber. Tout le monde s'écarta, et l'homme au manteau rouge resta seul, debout, au milieu de la salle. « Oh, grâce, grâce, pardon !» s'écria la misérable en tombant à genoux. L'inconnu laissa le silence se rétablir. « Je vous le disais bien qu'elle m'avait reconnu, » reprit-il. « Oui, je suis le bourreau de la ville de Lille, et voici mon histoire. » Tous les yeux étaient fixés sur cet homme dont on attendait les paroles avec une avide anxiété. Cette jeune femme était autrefois une jeune fille aussi belle qu'elle est belle aujourd'hui. Elle était religieuse au couvent des bénédictines de Templemar. Un jeune prêtre au cœur simple et croyant desservait l'église de ce couvent. Elle entreprit de le séduire et y réussit. Elle eut séduit un saint. Leur vœu à tous deux était sacré, irrévocable. Leur liaison ne pouvait durer longtemps sans les perdre tous deux. Elle obtint de lui qu'il quitterait le pays. Mais pour quitter le pays, pour fuir ensemble, pour gagner une autre partie de la France, où ils pussent vivre tranquilles parce qu'ils seraient inconnus, il fallait de l'argent. Ni l'un ni l'autre n'en avait. Le prêtre vola les vases sacrés, les vendit. Mais comme ils s'apprêtaient à partir ensemble, ils furent arrêtés tous deux. 8 jours après, elle avait séduit le fils du geôlier et s'était sauvée. Le jeune prêtre fut condamné à 10 ans de fer et à la flétrissure. J'étais le bourreau de la ville de Lille, comme dit cette femme. Je fus obligé de marquer le coupable. Et le coupable, messieurs, c'était mon frère. Je jurai alors que cette femme qui l'avait perdue, qui était plus que sa complice puisqu'elle avait poussé au crime, partagerait au moins le châtiment. Je me doutais du lieu où elle était cachée, je la poursuivis, je l'atteignis, je la garrottai et lui imprimai la même flétrissure que j'avais imprimée à mon frère. Le lendemain de mon retour à Lille, mon frère parvint à s'échapper à son tour. On m'accusa de complicité et l'on me condamna à rester en prison à sa place tant qu'il ne se serait pas constitué prisonnier. Mon pauvre frère ignorait ce jugement. Il avait rejoint cette femme. Ils avaient fui ensemble dans le Berry. Et là, il avait obtenu une petite cure. Cette femme passait pour sa sœur. Le seigneur de la terre sur laquelle était située l'église du curé vit cette prétendue sœur et en devint amoureux. Amoureux, au point qu'il lui proposa de l'épouser. Alors, elle quitta celui qu'elle avait perdu pour celui qu'elle devait perdre, et devint la comtesse de l'affaire. Tous les yeux se tournèrent vers Athos, dont c'était le véritable nom, et qui fit signe de la tête que tout ce qu'avait dit le bourreau était vrai. « Alors, reprit celui-ci, fou, désespéré, décidé à se débarrasser d'une existence à laquelle elle avait tout enlevé, honneur et bonheur, mon frère revint à Lille, et apprenant l'arrêt qui m'avait condamné à sa place, se constitua prisonnier et se pendit le même soir au soupirail de son cachot. Au reste, c'est une justice à leur rendre. Ceux qui m'avaient condamné me tinrent parole. À peine l'identité du cadavre fut-elle constatée qu'on me rendit ma liberté. Voilà le crime dont je l'accuse. Voilà la cause pour laquelle je l'ai marqué. Monsieur d'Artagnan, dit Athos, quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme? La peine de mort, répondit d'Artagnan. Milord de Winter, continua Athos, quelle est la peine que vous réclamez contre cette femme? La peine de mort, reprit Lord de Winter. Messieurs Porthos et Aramis, reprit Athos, vous qui êtes ses juges, quelle est la peine que vous portez contre cette femme? La peine de mort, répondirent d'une voix sourde les deux mousquetaires. Milady poussa un hurlement affreux et fit quelques pas vers ses juges en se traînant sur ses genoux. Athos étendit la main vers elle. Anne de Breuil, comtesse de l'affaire, Milady de Winter, dit-il, vos crimes ont lassé les hommes sur la terre et Dieu dans le ciel. Si vous savez quelque prière, dites-la, car vous êtes condamnée et vous allez mourir. À ces paroles, qui ne lui laissaient aucun espoir, Milady se releva de toute sa hauteur et voulut parler, mais les forces lui manquèrent. Elle sentit qu'une main puissante et implacable la saisissait par les cheveux et l'entraînait aussi irrévocablement que la fatalité entraîne un homme. Elle ne tenta donc même pas de faire résistance et sortit de la chaumière. Lord de Winter, d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sortirent derrière elle. Les valets suivirent leur maître, et la chambre resta solitaire avec sa fenêtre brisée, sa porte ouverte et sa lampe fumeuse qui brûlait tristement sur la table. Fin du chapitre 65. Chapitre 66 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 66. L'exécution. Il était minuit à peu près. La lune, échancrée par sa décroissance et ensanglantée par les dernières traces de l'orage, se levait derrière la petite ville d'Armentières, qui détachait sur sa lueur blafarde la silhouette sombre de ses maisons et le squelette de son haut clocher découpé à jour. En face, la Lys roulait ses eaux pareilles à une rivière d'étain fondu, tandis que sur l'autre rive, on voyait la masse noire des arbres se profiler sur un ciel orageux envahi par de gros nuages cuivrés qui faisaient une espèce de crépuscule au milieu de la nuit. À gauche s'élevait un vieux moulin abandonné, aux ailes immobiles, dans les ruines duquel une chouette faisait entendre son cri aigu, périodique et monotone. Ça et là, dans la plaine, à droite et à gauche du chemin que suivait le lugubre cortège, apparaissaient quelques arbres bas et trapus, qui semblaient des nains difformes accroupis pour guetter les hommes à cette heure sinistre. De temps en temps, un large éclair ouvrait l'horizon dans toute sa largeur, serpentait au-dessus de la masse noire des arbres et venait comme un effrayant cimetière couper le ciel et l'eau en deux parties. Pas un souffle de vent ne passait dans l'atmosphère alourdie. Un silence de mort écrasait toute la nature. Le sol était humide et glissant de la pluie qui venait de tomber, et les herbes ranimées jetaient leur parfum avec plus d'énergie. Deux valets traînaient Milady, qu'ils tenaient chacun par un bras. Le bourreau marchait derrière, et Lord de Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis marchaient derrière le bourreau. Planchet et Bazin venaient les derniers. Les deux valets conduisaient Milady du côté de la rivière. Sa bouche était muette, mais ses yeux parlaient avec leur inexprimable éloquence, suppliant tour à tour chacun de ceux qu'elle regardait. Comme elle se trouvait de quelques pas en avant, elle dit au valet « 1000 pistoles à chacun de vous si vous protégez ma fuite. Mais si vous me livrez à vos maîtres, j'ai ici près des vengeurs qui vous feront payer cher ma mort. » Grimaud hésitait. Mousqueton tremblait de tous ses membres. Athos, qui avait entendu la voix de Milady, s'approcha vivement. Lord de Winter en fit autant. « Renvoyez ses valets, dit-il. Elle leur a parlé. Ils ne sont plus sûrs. » On appela Planchet et Bazin, qui prirent la place de Grimaud et de Mousqueton. Arrivés au bord de l'eau, le bourreau s'approcha de Milady et lui lia les pieds et les mains. Alors, elle rompit le silence pour s'écrier. « Vous êtes des lâches, vous êtes des misérables assassins. Vous vous mettez à 10 pour égorger une femme. Prenez garde, si je ne suis point secouru, je serai vengé. » « Vous n'êtes pas une femme, dit froidement Athos. Vous n'appartenez pas à l'espèce humaine. Vous êtes un démon échappé de l'enfer et que nous allons y faire rentrer. » « Ah, messieurs les hommes vertueux, dit Milady, faites attention que celui qui touchera un cheveu de ma tête est à son tour un assassin. » « Le bourreau peut tuer, sans être pour cela un assassin, madame, dit l'homme au manteau rouge en frappant sur sa large épée. C'est le dernier juge, voilà tout. Narichter, comme disent nos voisins les Allemands. » Et, comme il alliait en disant ces paroles, Milady poussa deux ou trois cris sauvages, qui firent un effet sombre et étrange en s'envolant dans la nuit et en se perdant dans les profondeurs du bois. « Mais si je suis coupable, si j'ai commis les crimes dont vous m'accusez, hurlait Milady, conduisez-moi devant un tribunal. Vous n'êtes pas des juges, vous, pour me condamner. » « Je vous avais proposé Tyburn, dit Lord de Winter. Pourquoi n'avez-vous pas voulu ?»« Parce que je ne veux pas mourir, s'écria Milady en se débattant. Parce que je suis trop jeune pour mourir. » « La femme que vous avez empoisonnée à Béthune était plus jeune encore que vous, madame. Et cependant, elle est morte, dit D'Artagnan. « J'entrerai dans un cloître. Je me ferai religieuse, dit Milady. « Vous étiez dans un cloître, dit le bourreau, et vous en êtes sortie pour perdre mon frère. » Milady poussa un cri d'effroi et tomba sur ses genoux. Le bourreau la souleva sous les bras et voulut l'emporter vers le bateau. « Oh, mon Dieu ! S'écria-t-elle. « Mon Dieu ! Allez-vous donc me noyer ?» Ces cris avaient quelque chose de si déchirant que D'Artagnan, qui d'abord était le plus acharné à la poursuite de Milady, se laissa aller sur une souche et pencha la tête, se bouchant les oreilles avec les paumes de ses mains. Et cependant, malgré cela, il l'entendait encore menacer et crier. D'Artagnan était le plus jeune de tous ces hommes. Le cœur lui manqua. « Oh, je ne puis voir cet affreux spectacle. Je ne puis consentir à ce que cette femme meure ainsi. » Milady avait entendu ces quelques mots, et elle s'était reprise à une lueur d'espérance. « D'Artagnan, D'Artagnan, cria-t-elle, souviens-toi que je t'ai aimé. » Le jeune homme se leva et fit un pas vers elle. Mais Athos, brusquement, tira son épée, se mit sur son chemin. « Si vous faites un pas de plus, D'Artagnan, dit-il, nous croiserons le fer ensemble. » D'Artagnan tomba à genoux et pria. « Allons, continua Athos. Bourreau, fais ton devoir. »« Volontiers, monseigneur, dit le bourreau, car aussi vrai que je suis bon catholique, je crois fermement être juste en accomplissant ma fonction sur cette femme. C'est bien. Athos se fit un pas vers Milady. Je vous pardonne, dit-il, le mal que vous m'avez fait. Je vous pardonne mon avenir brisé, mon honneur perdu, mon amour souillé, et mon salut à jamais compromis par le désespoir où vous m'avez jeté. Mourez en paix. Lord de Winter s'avança à son tour. « Je vous pardonne, dit-il, l'empoisonnement de mon frère, l'assassinat de sa grâce Lord Buckingham. Je vous pardonne la mort du pauvre Felton. Je vous pardonne vos tentatives sur ma personne. Mourez en paix. » « Et moi, dit d'Artagnan, pardonnez-moi, madame, d'avoir, par une fourberie indigne d'un gentilhomme, provoqué votre colère. Et en échange, je vous pardonne le meurtre de ma pauvre amie et vos vengeances cruelles pour moi. Je vous pardonne et je pleure sur vous. Mourez en paix. « I am lost, » murmura en anglais Milady. « I must die. » Alors, elle se releva d'elle-même, jeta tout autour d'elle un de ces regards clairs qui semblent jaillir d'un œil de flamme. Elle ne vit rien. Elle écouta et n'entendit rien. Elle n'avait autour d'elle que des ennemis. « Où vais-je mourir ? » dit-elle. « Sur l'autre rive, » répondit le bourreau. Alors, il la fit entrer dans la barque, et comme il allait y mettre le pied, Athos lui remit une somme d'argent. « Tenez, dit-il, voici le prix de l'exécution. Que l'on voit bien que nous agissons en juge. » « C'est bien, » dit le bourreau, « et que maintenant, à son tour, cette femme sache que je n'accomplis pas mon métier, mais mon devoir. » Et il jeta l'argent dans la rivière. Le bateau s'éloigna vers la rive gauche de la Lys, emportant la coupable et l'exécuteur. Tous les autres demeurèrent sur la rive droite, où ils étaient tombés à genoux. Le bateau glissait lentement le long de la corde du bac, sous le reflet d'un nuage pâle qui surplombait l'eau en ce moment. On le vit aborder sur l'autre rive. Les personnages se dessinaient en noir sur l'horizon rougeâtre. Milady, pendant le trajet, était parvenue à détacher la corde qui liait ses pieds. En arrivant sur le rivage, elle sauta légèrement à terre et prit la fuite. Mais le sol était humide. En arrivant au haut du talus, elle glissa et tomba sur ses genoux. Une idée superstitieuse la frappa sans doute. Elle comprit que le ciel lui refusait son secours et resta dans l'attitude où elle se trouvait, la tête inclinée et les mains jointes. Alors on vit de l'autre rive le bourreau lever lentement ses deux bras. Un rayon de lune se refléta sur la lame de sa large épée. Les deux bras retombèrent. On entendit le sifflement du cimeterre et le cri de la victime. Puis, une masse tronquée s'affaissa sous le cou. Alors le bourreau détacha son manteau rouge, l'étendit à terre, y coucha le corps, y jeta la tête, le noua par les quatre coins, le chargea sur son épaule et remonta dans le bateau. Arrivé au milieu de la Lys, il arrêta la barque et, suspendant son fardeau au-dessus de la rivière, « Laissez passer la justice de Dieu » cria-t-il à haute voix. Et il laissa tomber le cadavre au plus profond de l'eau qui se referma sur lui. Trois jours après, les quatre mousquetaires rentraient à Paris. Ils étaient restés dans les limites de leur congé et le même soir, ils allaient refaire leur visite accoutumée à M. de Tréville. « Eh bien, messieurs, leur demanda le brave capitaine, vous êtes-vous bien amusés dans votre excursion ?»« Prodigieusement, » répondit Athos, les dents serrées. Fin du chapitre 66. Chapitre 67 des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Chapitre 67. Conclusion. Le 6 du mois suivant, le roi, tenant la promesse qu'il avait faite au cardinal de quitter Paris pour revenir à La Rochelle, sortit de sa capitale, tout étourdi encore de la nouvelle qui venait de s'y répandre, que Buckingham venait d'être assassiné. Quoique prévenue que l'homme qu'elle avait tant aimé courait un danger, la reine, lorsqu'on lui annonça cette mort, ne voulut pas la croire. Il lui arriva même de s'écrier imprudemment « C'est faux, il vient de m'écrire !» Mais le lendemain, il lui fallut bien croire à cette fatale nouvelle. La porte, retenue comme tout le monde en Angleterre par les ordres du roi Charles Ier, arriva porteur du dernier et funèbre présent que Buckingham envoyait à la reine. La joie du roi avait été très vive. Il ne se donna pas la peine de la dissimuler et la fit même éclater avec affectation devant la reine. Louis XIII, comme tous les cœurs faibles, manquait de générosité. Mais bientôt, le roi redevint sombre et mal portant. Son front n'était pas de ceux qui s'éclaircissent pour longtemps. Il sentait qu'en retournant au camp, il allait reprendre son esclavage, et cependant, il y retournait. Le cardinal était pour lui le serpent fascinateur, et il était, lui, l'oiseau qui voltige de branche en branche, sans pouvoir lui échapper. Aussi, le retour vers La Rochelle était-il profondément triste. Nos quatre amis surtout faisaient l'étonnement de leurs camarades. Ils voyageaient ensemble, côte à côte, l'œil sombre et la tête baissée. Athos relevait seul de temps en temps son large front. Un éclair brillait dans ses yeux. Un sourire amer passait sur ses lèvres. Puis, pareil à ses camarades, il se laissait de nouveau aller à ses rêveries. Aussitôt, l'arrivée de l'escorte dans une ville, dès qu'ils avaient conduit le roi à son logis, les quatre amis se retiraient, ou chez eux, ou dans quelque cabaret écarté, où ils ne jouaient ni ne buvaient. Seulement, ils parlaient à voix basse, en regardant avec attention si nul ne les écoutait. Un jour que le roi avait fait halte sur la route pour voler la pie, et que les quatre amis, selon leur habitude, au lieu de suivre la chasse, s'étaient arrêtés dans un cabaret sur la grande route, un homme, qui venait de La Rochelle à franc étrier, s'arrêta à la porte pour boire un verre de vin, et plongea son regard dans l'intérieur de la chambre où étaient attablés les quatre mousquetaires. « Holà, monsieur d'Artagnan, dit-il, n'est-ce point vous que je vois là-bas ?» D'Artagnan leva la tête et poussa un cri de joie. Cet homme, qu'il appelait son fantôme, c'était son inconnu de Meung, de la rue des Fossoyeurs et d'Arras. D'Artagnan tira son épée et s'élança vers la porte. Mais cette fois, au lieu de fuir, l'inconnu s'élança à bas de son cheval et s'avança à la rencontre de D'Artagnan. « Ah, monsieur, dit le jeune homme, je vous rejoins donc enfin. Cette fois, vous ne m'échapperez pas. » « Ce n'est pas mon intention non plus, monsieur, car cette fois, je vous cherchais. Au nom du roi, je vous arrête et dis que vous ayez à me rendre votre épée, monsieur, et cela sans résistance. Il y va de la tête, et je vous en avertis. « Qui êtes-vous donc ? Demanda D'Artagnan en baissant son épée, mais sans la rendre encore. « Je suis le chevalier de Rochefort, répondit l'inconnu, l'écuyer de monsieur le cardinal de Richelieu, et j'ai ordre de vous ramener à son éminence. » « Nous retournons auprès de son éminence, monsieur le chevalier, dit Athos en s'avançant, et vous accepterez bien la parole de monsieur d'Artagnan qu'il va se rendre en droite ligne à La Rochelle. Je dois le remettre entre les mains des gardes qui le ramèneront au camp. Nous lui en servirons, monsieur, sur notre parole de gentilshomme. Mais sur notre parole de gentilshomme aussi, ajouta Athos en fronçant le sourcil, monsieur d'Artagnan ne nous quittera pas. Le chevalier de Rochefort jeta un coup d'œil en arrière et vit que Porthos et Aramis s'étaient placés entre lui et la porte. Il comprit qu'il était complètement à la merci de ces quatre hommes. « Messieurs, dit-il, si M. d'Artagnan veut me rendre son épée et joindre sa parole à la vôtre, je me contenterai de votre promesse de conduire M. d'Artagnan au quartier de Monseigneur le Cardinal. » « Vous avez ma parole, monsieur, dit d'Artagnan, et voici mon épée. » « Cela me va d'autant mieux, ajouta Rochefort, qu'il faut que je continue mon voyage. » « Si c'est pour rejoindre Milady, dit froidement Athos, c'est inutile. Vous ne la retrouverez pas. » « Qu'est-elle donc devenue ? » demanda vivement Rochefort. « Revenez au camp, et vous le saurez. » Rochefort demeura un instant pensif, puis, comme on n'était plus qu'à une journée de Surgères, jusqu'où le cardinal devait venir au-devant du roi, il résolut de suivre le conseil d'Athos et de revenir avec eux. D'ailleurs, ce retour lui offrait un avantage, c'était de surveiller lui-même son prisonnier. On se remit en route. Le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, on arriva à Surgères. Le cardinal y attendait Louis XIII. Le ministre et le roi y échangèrent force caresses, se félicitèrent de l'heureux hasard qui débarrassait la France de l'ennemi acharné qui ameutait l'Europe contre elle. Après quoi, le cardinal, qui avait été prévenu par Rochefort que d'Artagnan était arrêté et qui avait hâte de le voir, prit congé du roi en l'invitant à venir voir le lendemain les travaux de la digue qui étaient achevés. En revenant le soir, à son quartier du pont de la Pierre, le cardinal trouva debout, devant la porte de la maison qu'il habitait, d'Artagnan, sans épée, et les trois mousquetaires armés. Cette fois, comme il était en force, il les regarda sévèrement, et fit signe de l'œil et de la main à d'Artagnan de le suivre. D'Artagnan obéit. « Nous t'attendrons, d'Artagnan, » dit Athos, assez haut pour que le cardinal l'entendît. Son éminence fronça le sourcil, s'arrêta un instant, puis continua son chemin sans prononcer une seule parole. D'Artagnan entra derrière le cardinal, et Rochefort, derrière d'Artagnan, la porte fut gardée. Son éminence se rendit dans la chambre qui lui servait de cabinet et fit signe à Rochefort d'introduire le jeune mousquetaire. Rochefort obéit et se retira. D'Artagnan resta seul en face du cardinal. C'était sa seconde entrevue avec Richelieu, et il avoua depuis qu'il avait été bien convaincu que ce serait la dernière. Richelieu resta debout, appuyé contre la cheminée. Une table était dressée entre lui et d'Artagnan. « Monsieur, dit le cardinal, vous avez été arrêté par mes ordres. » « On me l'a dit, monseigneur. »« Savez-vous pourquoi ?»« Non, monseigneur, car la seule chose pour laquelle je pourrais être arrêté est encore inconnue de son éminence. » Richelieu regarda fixement le jeune homme. « Oh ! Oh ! » dit-il. « Que veut dire cela ?»« Si monseigneur veut m'apprendre d'abord les crimes qu'on m'impute, je lui dirai ensuite les faits que j'ai accomplis. »« On vous impute des crimes ?» qui ont fait choir des têtes plus hautes que la vôtre, monsieur, dit le cardinal. Lesquelles, monseigneur ? Demanda d'Artagnan, avec un calme qui étonna le cardinal lui-même. On vous impute d'avoir correspondu avec les ennemis du royaume. On vous impute d'avoir surpris les secrets de l'État. On vous impute d'avoir essayé de faire avorter les plans de votre général. Et qui m'impute cela, monseigneur ? Dit d'Artagnan, qui se doutait que l'accusation venait de Milady. Une femme flétrie par la justice du pays, une femme qui a épousé un homme en France et un autre en Angleterre, une femme qui a empoisonné son second mari et qui a tenté de m'empoisonner moi-même. « Que dites-vous là, monsieur ? » s'écria le cardinal étonné. « Et de quelle femme parlez-vous ainsi ?»« De Milady de Winter, » répondit d'Artagnan. « Oui, de Milady de Winter, dont, sans doute, votre éminence ignorait tous les crimes lorsqu'elle l'a honoré de sa confiance. « Monsieur, dit le cardinal, si Milady de Winter a commis les crimes que vous dites, elle sera punie. Elle l'est, monseigneur. Et qui l'a punie ? Nous. Elle est en prison ? Elle est morte. Morte, répéta le cardinal, qui ne pouvait croire à ce qu'il entendait. Morte. N'avez-vous pas dit qu'elle était morte ? Trois fois, elle avait essayé de me tuer, et je lui avais pardonné. Mais elle a tué la femme que j'aimais. Alors mes amis et moi, nous l'avons prise, jugée et condamnée. D'Artagnan alors raconta l'empoisonnement de Madame Bonacieux dans le couvent des Carmélites de Béthune, le jugement de la maison isolée, l'exécution sur les bords de la Lys. Un frisson courut par tout le corps du cardinal, qui, cependant, ne frissonnait pas facilement. Mais tout à coup, comme subissant l'influence d'une pensée muette, la physionomie du cardinal, sombre jusqu'alors, s'éclaircit peu à peu et arriva à la plus parfaite sérénité. Alors, dit-il, avec une voix dont la douceur contrastait avec la sévérité de ses paroles, vous vous êtes constitué juge, sans penser que ceux qui n'ont pas mission de punir et qui punissent sont des assassins. Monseigneur, je vous jure que je n'ai pas eu un instant l'intention de défendre ma tête contre vous. Je subirai le châtiment que votre éminence voudra bien m'infliger. Je ne tiens pas assez à la vie pour craindre la mort. Oui, je le sais. Vous êtes un homme de cœur, monsieur, dit le cardinal, avec une voix presque affectueuse. Je puis donc vous dire d'avance que vous serez jugé, condamné même. Un autre pourrait répondre à votre éminence qu'il a sa grâce dans sa poche. Moi, je me contenterai de vous dire, ordonnez, monseigneur, je suis prêt. Votre grâce, dit Richelieu surpris. Oui, monseigneur, dit D'Artagnan. Et signé de qui ? Du roi ? Et le cardinal prononça ces mots avec une singulière expression de mépris. Non, de votre éminence. De moi ? Vous êtes fou, monsieur ? Monseigneur reconnaîtra sans doute son écriture. Et D'Artagnan présenta au cardinal le précieux papier qu'Athos avait arraché à Milady et qu'il avait donné à D'Artagnan pour lui servir de sauvegarde. Son éminence prit le papier et lut d'une voix lente et en appuyant sur chaque syllabe. C'est par mon ordre et pour le bien de l'État que le porteur du présent a fait ce qu'il a fait. Au camp devant La Rochelle, ce 5 août 1628. Richelieu. Le cardinal, après avoir lu ces deux lignes, tomba dans une rêverie profonde. Mais il ne rendit pas le papier à D'Artagnan. Il médite de quel genre de supplice il me fera mourir, se dit tout bas D'Artagnan. Eh bien, ma foi, il verra comment meurt un gentilhomme. Le jeune mousquetaire était en excellente disposition pour trépasser héroïquement. Richelieu pensait toujours, roulait et déroulait le papier dans ses mains. Enfin, il leva la tête, fixa son regard d'aigle sur cette physionomie loyale, ouverte, intelligente, lut sur ce visage sillonné de larmes toutes les souffrances qu'il avait endurées depuis un mois. Et songea, pour la troisième ou quatrième fois, combien cet enfant de 21 ans avait d'avenir, et quelles ressources son activité, son courage et son esprit pouvaient offrir à un bon maître. D'un autre côté, les crimes, la puissance, le génie infernal de Milady l'avaient plus d'une fois épouvanté. Il sentait comme une joie secrète d'être à jamais débarrassé de ce complice dangereux. Il déchira lentement le papier que D'Artagnan lui avait si généreusement remis. « Je suis perdu, » dit en lui-même D'Artagnan. Et il s'inclina profondément devant le cardinal, en homme qui dit « Seigneur, que votre volonté soit faite. » Le cardinal s'approcha de la table et, sans s'asseoir, écrivit quelques lignes sur un parchemin dont les deux tiers étaient déjà remplis et y apposa son sceau. « Ceci est ma condamnation, » dit D'Artagnan. « Il m'épargne l'ennui de la Bastille et les lenteurs d'un jugement. C'est encore fort aimable à lui. » Tenez, monsieur, dit le cardinal au jeune homme, je vous ai pris un blanc-seing et je vous en rends un autre. Le nom manque sur ce brevet, vous l'écrirez vous-même. D'Artagnan prit le papier en hésitant et jeta les yeux dessus. C'était une lieutenance dans les mousquetaires. D'Artagnan tomba aux pieds du cardinal. « Monseigneur, dit-il, ma vie est à vous. Disposez-en désormais. Mais cette faveur que vous m'accordez, je ne la mérite pas. J'ai trois amis qui sont plus méritants et plus dignes. » « Vous êtes un brave garçon, d'Artagnan, » interrompit le cardinal en lui frappant familièrement sur l'épaule, charmé qu'il était d'avoir vaincu cette nature rebelle. « Faites de ce brevet ce qu'il vous plaira. Seulement, rappelez-vous que quoique le nom soit en blanc, c'est à vous que je le donne. » « Je ne l'oublierai jamais, » répondit d'Artagnan. « Votre éminence peut en être certaine. » Le cardinal se retourna et dit à haute voix, « Rochefort !» Le chevalier, qui sans doute était derrière la porte, entra aussitôt. « Rochefort, » dit le cardinal, « vous voyez Monsieur d'Artagnan. Je le reçois au nombre de mes amis. Ainsi donc, que l'on s'embrasse et que l'on soit sage si l'on tient à conserver sa tête. » Rochefort et d'Artagnan s'embrassèrent du bout des lèvres, mais le cardinal était là, qui les observait de son œil vigilant. Ils sortirent de la chambre en même temps. « Nous nous retrouverons, n'est-ce pas, monsieur ?»« Quand il vous plaira, » fit d'Artagnan. « L'occasion viendra, » répondit Rochefort. « Hein ?» fit Richelieu en ouvrant la porte. Les deux hommes se sourirent, se serrèrent la main et saluèrent son éminence. « Nous commencions à nous impatienter, » dit Athos. « Me voilà, mes amis, » répondit d'Artagnan, « non seulement libre, mais en faveur. Vous nous compterez cela ?»« Dès ce soir. » En effet, dès le soir même, d'Artagnan se rendit au logis d'Athos, qu'il trouva en train de vider sa bouteille de vin d'Espagne, occupation qu'il accomplissait religieusement tous les soirs. Il lui raconta ce qui s'était passé entre le cardinal et lui, et tirant le brevet de sa poche, « Tenez, mon cher Athos, voilà, dit-il, qui vous revient tout naturellement. » Athos sourit de son doux et charmant sourire. « Ami, dit-il, pour Athos, c'est trop. Pour le comte de l'affaire, c'est trop peu. Gardez ce brevet, il est à vous. Hélas, mon Dieu, vous l'avez acheté assez cher. » D'Artagnan sortit de la chambre d'Athos et entra dans celle de Porthos. Il le trouva, vêtu d'un magnifique habit, couvert de broderies splendides, et se mirant dans une glace. « Ah, ah !» dit Porthos, « c'est vous, cher ami. Comment trouvez-vous que ce vêtement me va ?»« À merveille !» dit d'Artagnan. « Mais je viens vous proposer un habit qui vous ira mieux encore. »« Lequel ?» demanda Porthos. « Celui de lieutenant aux mousquetaires. » D'Artagnan raconta à Porthos son entrevue avec le cardinal. Et tirant le brevet de sa poche, « Tenez, mon cher, dit-il, écrivez votre nom là-dessus, et soyez bon chef pour moi. »« Oui, dit-il, cela me flatterait beaucoup, mais je n'aurai pas assez longtemps à jouir de cette faveur. Pendant notre expédition de Béthune, le mari de ma duchesse est mort, de sorte que, mon cher, le coffre du défunt me tendant les bras, j'épouse la veuve. Tenez, j'essayais mon habit de noces. Gardez la lieutenance, mon cher, gardez. » Et il rendit le brevet à d'Artagnan. Le jeune homme entra chez Aramis. Il le trouva, agenouillé devant un prie-Dieu, le front appuyé contre son livre d'or ouvert. Il lui raconta son entrevue avec le cardinal, et tirant pour la troisième fois son brevet de sa poche, « Vous, notre ami, notre lumière, notre protecteur invisible, dit-il, acceptez ce brevet. Vous l'avez mérité plus que personne. Par votre sagesse et vos conseils est toujours suivi de si heureux résultats. « Hélas, cher ami, dit Aramis, nos dernières aventures m'ont dégoûté tout à fait de la vie d'homme d'épée. Cette fois, mon parti est pris irrévocablement. Après le siège, j'entre chez les lazaristes. Gardez ce brevet, d'Artagnan, le métier des armes vous convient. Vous serez un brave et aventureux capitaine. » D'Artagnan, l'œil humide de reconnaissance et brillant de joie, revint à Athos, qu'il trouva toujours attablé et mirant son dernier verre de Malaga à la lueur de la lampe. « Eh bien, dit-il, eux aussi m'ont refusé. » « C'est que personne, cher ami, n'en était plus digne que vous. » Il prit une plume, écrivit sur le brevet le nom de D'Artagnan, et le lui remit. « Je n'aurai donc plus d'amis, dit le jeune homme. Hélas, plus rien que d'amers souvenirs. » Et il laissa tomber sa tête entre ses deux mains, tandis que deux larmes roulaient le long de ses joues. « Vous êtes jeune, vous, répondit Athos, et vos souvenirs amers ont le temps de se changer en doux souvenirs. » Fin du chapitre 67. Épilogue des Trois Mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas. Épilogue. La Rochelle, privée du secours de la flotte anglaise et de la division promise par Buckingham, se rendit après un siège d'un an. Le 28 octobre 1628, on signa la capitulation. Le roi fit son entrée à Paris le 23 décembre de la même année. On lui fit un triomphe comme s'il revenait de vaincre l'ennemi, et non des Français. Il entra par le faubourg Saint-Jacques, sous des arcs de verdure. D'Artagnan prit possession de son grade. Porthos quitta le service et épousa, dans le courant de l'année suivante, Madame Coquenard. Le coffre tant convoité contenait 800 000 livres. Mousqueton eut une livrée magnifique, et de plus, la satisfaction qu'il avait ambitionnée toute sa vie, de monter derrière un carrosse doré. Aramis, après un voyage en Lorraine, disparut tout à coup et cessa d'écrire à ses amis. On apprit plus tard, par Madame de Chevreuse, qui le dit à deux ou trois de ses amants, qu'il avait pris l'habit dans un couvent de Nancy. Bazin devint frère laid. Athos resta mousquetaire sous les ordres de D'Artagnan jusqu'en 1633, époque à laquelle, à la suite d'un voyage qu'il fit en Touraine, il quitta aussi le service sous prétexte qu'il venait de recueillir un petit héritage en Roussillon. Grimaud suivit Athos. D'Artagnan se battit trois fois avec Rochefort et le blessa trois fois. « Je vous tuerai probablement la quatrième, lui dit-il, en lui tendant la main pour le relever. » « Il vaut donc mieux, pour vous et pour moi, que nous en restions là, » répondit le blessé. « Corbleu, je suis plus votre ami que vous ne pensez, car dès la première rencontre, j'aurais pu, en disant un mot au cardinal, vous faire couper le cou. » Ils s'embrassèrent cette fois, mais de bon cœur et sans arrière-pensée. Planchet obtint de Rochefort le grade de sergent dans les gardes. M. Bonacieux vivait fort tranquille, ignorant parfaitement ce qu'était devenue sa femme, et ne s'en inquiétant guère. Un jour, il eut l'imprudence de se rappeler au souvenir du cardinal. Le cardinal lui fit répondre qu'il allait pourvoir à ce qu'il ne manquât jamais de rien désormais. En effet, le lendemain, M. Bonacieux, étant sorti à 7 heures du soir de chez lui pour se rendre au Louvre, ne reparut plus rue des Fossoyeurs. L'avis de ceux qui parurent les mieux informés fut qu'il était nourri et logé dans quelque château royal aux frais de sa généreuse éminence. Fin de l'épilogue. Fin des Trois Mousquetaires par Alexandre Dumas.